Bonjour tout le monde, voilà, c'était la parodie de l'émission à l'instant avec le morning. Une nouvelle qui devrait pas trop tarder à débarquer aussi d'ici. J'aime bien quand tu mets la pression comme ça direct à l'antenne, tu vois. C'est génial. Bah non, mais j'ai dit. Elle devrait pas trop tarder. Bah oui, ouais, mais elle va pas tarder. On va pas la faire dans 6 mois, ça je voulais dire quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bon, t'as fait donc en pleine forme. Hein. Oui, je suis en pleine forme. Donc aujourd'hui, j'ai bien respecté la journée du cochon. Hein, donc je suis venu sans caleçon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ah oui, je voulais en reparler justement. Julie en avait parlé effectivement au début du mois d'août. Un truc comme ça, je crois. Oui, c'était vrai. Ouais. Je suis nu sous mon pantalon. Tu peux venir voir, Julie. Non, ça va, je te crois sur parole. C'est vraiment dommage parce que c'est un mytho. Hein. Ah oui, mais je vais prendre plutôt ce. Voilà, je vais le croire sur parole. Écoute, c'est vraiment dommage. On m'a dit, Julie, tu vas voir, c'est une journaliste d'investigation. Elle va sur le terrain, tout ça. Voilà, je me rends compte qu'en fait, on m'a encore pris pour un con. Ah bah ouais, désolé. Je suis vraiment déçu. Hein. Tu n'es pas sur la brèche. Ah non, c'est ça. Tu ne vas pas dans la faille si tu vois ce que je veux dire. T'es pas au taquet du taquet, quoi. Et ça, tu vois, c'est vraiment dommage. Bon, Julie va bien. Je vais très très bien. Ouais, bah oui, c'est la dernière sur la semaine, donc ça va. Je vais avoir besoin de probablement 24 heures de sommeil. Mais t'as un mariage ce week-end, non? Non, c'est mon dieu. Pas vrai. Premier week-end depuis 3 semaines où je n'ai pas de mariage. Wow. Elle a une bar mitzvah. Ouais. Non, c'est ça. Bien. C'est repos total. Repos total. Et toi, Mickaël, comment ça va? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Dernière de la semaine aussi, donc ça va plutôt bien. J'ai prévu ce week-end un petit enterrement de mon ami Vince qui fait la libre antenne le soir. Oui. Voilà, on va faire du VTT. Ah voilà, c'est ça. Le fameux, oui. J'ai trouvé un VTT. Vous allez faire du sport. J'ai trouvé un VTT à prêter, donc non, mais ça va bien se passer. Hein, retiens bien ça. Parce que lundi, je pense qu'on va pouvoir en parler pendant un moment. Non, mais je pense que ce sera probablement. T'inquiète. Je vais ouvrir mes infos avec ça. T'inquiète. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez vraiment pas pour moi. Ça va bien se passer. On mettra des photos. Vous allez voir et tout. Bon, je trouve. On m'a prêté un vélo pourri. Hein. Enfin bon, on fera avec. Oui, bien sûr. Tu vois, il commence déjà à trouver des excuses. Après, tu vois, il a un vélo de compétition parce que lui, il fait ça depuis longtemps. Donc, oui, bien sûr. Moi, j'ai un vieux vélo dégueulasse qu'on m'a prêté. En attendant de devenir un professionnel, où effectivement, je pourrais acheter peut-être un gros vélo aussi. Donc bon, on verra bien. Bien sûr, après, si vous en avez un bon vélo à me prêter, n'hésitez pas, et mickaël@funradio.be. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne nuit ce matin, pas mal de choses, puisque je pense, sans trop m'avancer, vous dire que le scooter va tomber. Pourquoi? Parce que le dernier chiffre a été trouvé hier avec Lucas dans le self. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Attends, il reste plus qu'une lettre, alors, il reste plus qu'une lettre. Aujourd'hui, on sait que la plaque du scooter commence par M. Non, par 1, pardon. Et puis M... Et puis on ne sait pas. Et puis M. Et puis 2, 4, 2. Ok. Donc là il reste quand même plus grand chose à trouver. Il reste une lettre. Vous avez une chance sur l'alphabet quoi. Concrètement c'est un petit peu ça. Ça fait une chance sur 26. Et si vous avez écouté depuis le début de la semaine, normalement vous devriez avoir plus de chances que 26. Voilà. Normalement. Enfin plus de chances que 1 sur 26 en l'occurrence. C'est ça quoi. Donc voilà. Bon, vous savez tout. Si vous voulez vous inscrire, on fera 2 jeux tout à l'heure. S'il en nécessite 2 bien évidemment. 63-22. Vous débutez votre message par scooter. C'est un scooter Kymco Like 125 cm3. Et en plus de ça on vous met 25€ en plus pour aller faire le plein chez Octaplus. Mais ça vous gagnez quoi qu'il arrive. Même si vous ne trouvez pas la plaque évidemment. Si vous passez l'antenne avec moi, c'est gagné. 63-22. Débutez le message par scooter. Voilà. Bah, bonne chance tout le monde. On remboursera vos factures également tout à l'heure. Et puis avant de faire les infos d'ici quelques instants, on aura Selena Gomez aussi avec Love You Like a Love Song dans quelques instants. Et puis la petite devinette qui colle. Oui. Allez, petite devinette qui colle, attention, écoutez bien. Il y a un écran plat 16/9 à gagner ou un appareil photo numérique. Je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. Qui suis-je? Ou que suis-je plutôt? Pas d'idée? Alors là, non. Aucune idée? Aucune. Non. Ah bon? On n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup cette année à cause de cette merde de temps dégueulasse. Ah! Je sais. Voilà, je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. Enfin, quand je dis qu'on n'a pas pu en faire beaucoup, c'est pas la réponse, mais disons qu'on on a besoin de cette réponse-là pour pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, pendant les vacances en général, pendant le temps estival. Voilà. Ça permet de faire de bonnes merguez. Je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. Qui suis-je ou que suis-je? Non, mais je suis en train de checker les infos en même temps. Ah donc oui, c'est toi, vrai. J'en ai juste une partie. C'est vrai, c'est vrai. Petite partie de mon cerveau qui s'est écoutée. Je comprends. Voilà, 63-22, débutez le message avec la réponse tout simplement. Et puis, on vous rappelle peut-être d'ici quelques instants pour vous filer cet écran plat justement 16/9 ou alors l'appareil photo numérique. Allez, 6h27, on passe aux infos maintenant avec Julie. On est donc comme ça, tu. Comme ça, cache. Allez, on y va. Ok, d'accord. Ah non, il n'y a rien. hein, on est à la cool là, ce salut matin. À tous. Du côté des négociations politiques, le formateur Elio Di Rupo cherche toujours des nouvelles pistes pour mettre tout le monde d'accord. Les 8 partis, le formateur se retrouve aujourd'hui vers midi, toujours pour débattre du fameux dossier BHV. Allons-nous vers une taxe sur les transactions financières? Une proposition de taxe à l'échelle européenne devrait être faite par la Commission probablement vers octobre. Ce sujet pourrait également être abordé lors du G7 Finance à Marseille ce week-end. En attendant, la volonté de Bruxelles d'instaurer cette taxe à l'échelle européenne est intacte malgré les turbulences sur les marchés cet été et les risques d'affaiblir l'Union européenne en détournant l'activité financière vers des places plus accueillantes. L'Europe justement veut imposer un système d'appel d'urgence baptisé e-call sur les voitures neuves. La Commission avait demandé qu'e-call soit déployé volontairement dans toute l'Europe pour 2009, mais l'adoption de ce système a été jusqu'ici très lente. Actuellement, 0,7% de tous les véhicules particuliers dans l'Union européenne seulement sont équipés du système automatique d'appel d'urgence, un chiffre qui augmente très peu. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays et également en Belgique jusqu'à Bruxelles et Namur. Oh bon. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire royal de Belgique. Actualité à l'étranger, en Libye, au moins 30 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 6 mois et 50 000 autres blessées. Il s'agit du premier bilan officiel depuis le soulèvement contre le colonel Muammar Kadhafi. John Galliano, jugé coupable d'avoir proféré des injures antisémites lors de deux altercations dans un bar parisien. Il est condamné à 6 000 euros d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Il devra également s'acquitter d'un euro de dommages et intérêts auprès des victimes de ces insultes proférées en état d'ébriété ainsi qu'auprès de 5 associations antiracistes qui s'étaient portées partie civile. Et à 6h29, attends, on fait un tour du côté de la météo. Attends, j'ai un petit peu de son, voilà. Voilà. C'est un petit peu ça, le temps sera maussade, en tout cas dans la matinée. Mais cet après-midi, les éclaircies vont tout doucement arriver sur le pays. Température jusqu'à 21 degrés. Bonne nouvelle, demain il va faire beau, mais demain soir les nuages seront déjà de retour et dimanche sera pluvieux et venteux. Ah bah quand même, parce que je me suis dit, ben attendez pas en été quand même, ah, faut oui, pas non, déconner. Non mais en vrai, tout va bien. Bah voilà, Fun Radio. Allez, l'info en plus à 6h29 sur Fun. Alors vous savez ce qui est très très à la mode pour l'instant au Japon? Je sais pas, non. Eh bien, le nucléaire. Ouais. Ce sont les tatouages sur les dents. Le tatouage sur les dents. Oh, des petites coccinelles, des petites fleurs, des petits brillants, etc. C'est mignon. Donc ça cartonne au pays du soleil levant. Mais en fait, c'est plutôt des petits autocollants que l'on colle sur les dents. Et donc en général, le Japon est en avance un petit peu sur nous, même s'ils sont plus excentriques. D'accord. Donc ouais. Peut-être que ça risque d'arriver chez nous aussi. Ah bah quelle chance. Donc je voulais prévenir les gens. Attention, d'accord. Les autocollants sur les dents vont arriver. Ouais, faites gaffe, ça peut arriver à tout moment. Hein. Ah oui, non, ça peut débarquer du jour au lendemain. Bah, d'ailleurs, Julie va s'y mettre, elle va s'en mettre tout de suite. Ah non, j'en ai déjà acheté. Là, c'est bon. On est rassurés alors. Ouais. 6h30 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Attention, je vous répète ta petite devinette qui colle. C'est bien, c'est ton bras là ce matin déjà. Vous êtes déjà au taquet à 6h30, ça fait plaisir. Bon, je n'ai. On va bien le voir, mais nos ordinateurs ne fonctionnent pas. Oui, mais on va réparer. Julie, tu dis ça tous les matins. Mais c'est ça. Alors que Cathy dans la libre antenne s'en plaint pas, c'est bizarre. Mais je comprends pas, moi, quand j'arrive, c'est un. Bah oui, c'est étrange. Bon, alors attention, je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. On avait proposé le soleil, c'est pas ça. On proposait un barbecue. Bah non, c'est pas le barbecue qui naît noir, qui vit rouge et qui meurt gris. Ah non, mais il y a bien un rapport, effectivement. Oui. Il y a bien un rapport. On va pas non plus tout balancer maintenant, mais c'est non, c'est vrai. Rapport. Mais c'est pas obligatoire, soit un barbecue, hein. Ah non, mais. Ça peut servir pour la maison, tu vois, quand on a un truc ouvert, quoi. Oui, enfin, mais. Oui. Oui, voilà. Ouais. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, un coquelicot. Mais oui, un coquelicot. Non, c'est pas un coquelicot, non. Voilà, 63-22, si vous avez la bonne réponse, donc c'est 1 euro par message, et puis il y a des grands plats, 16-9e à gagner, ou l'appareil photo numérique, c'est aussi simple que ça. Selena Gomez, on va s'écouter le son maintenant avec Love You Like a Love Song maintenant sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Selena Gomez sur Fun Radio à l'instant. Et oui, dans un instant, c'est Likili qu'on va écouter. Et puis, oh, j'avais presque oublié de saluer notre ami Jordan. Et oui, j'avais presque oublié. C'est Julie qui m'a dit, t'as oublié mon mec, t'as oublié mon amoureux, oui, celui sûr. Que j'adore, que j'aime leur dessus tout. Mais j'ai hâte de le voir, puisqu'on l'a. Enfin, moi, j'ai pas encore vu, parce que ça n'a pas encore démarré sur Plug RTL. Oui, voilà, ça n'a pas démarré sur Plug RTL. Nous avons les sons en exclusivité totale. C'était les ch'tis à Saint-Tropez, et lundi, il y aura du neuf encore. Il y aura, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ça cartonne sur Facebook, en fait, parce que j'ai vu en fait, qu'il y avait déjà plein de petits extraits et tout qui étaient en train de tourner sur Facebook. Donc, ah oui, non, mais ça crée déjà un buzz. Ouais, oui, voilà. C'est que ça doit être vraiment, vraiment du lourd. Ah, du très, très lourd, à mon avis, oui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, et lundi, nous ferons un petit jeu. Et il faudra essayer de comprendre ce qu'ils disent. Vous savez, bon, vous avez fait écouter quelques sons et c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre ce qu'ils disent. Si je serais une fille, entre guillemets, si je serais une fille, j'aurais jamais dit, par exemple, vas-y, on va sortir en discothèque. Voilà, on sait pas toujours très bien ce qu'ils veulent dire. Et ça, c'était Vincent. Et puis, il y a Dena aussi qui a un peu de mal parfois. J'étais en extase, envie de participer à la fête. Voilà, et puis après il y a le mongolien qui est là. Voilà, on sait pas très bien pourquoi il dit ça, mais il le dit, ça c'était Jordan. Bon, c'est un peu son cri de guerre, je pense. Oui, c'est un peu le cri de guerre de Jordan. Bon, enfin bon. Bon, en tout cas, on aura l'occasion dès lundi, bien évidemment, de suivre cette émission en exclusivité totale avant la diffusion sur Plug RTL. Bon, et puis autre bonne nouvelle de ce matin également, c'est à propos de nos amis débiles aussi, dans la petite maison des fous également, hein, sur Secret Story. Eh bien oui, je pense qu'on va pouvoir en profiter un petit peu plus longtemps que prévu. Oh, ça c'est une chance. Tu vois, je me suis levé de mauvaise humeur. tu te sens beaucoup mieux là. Là, je vais beaucoup mieux là. Mais en fait, l'édition, enfin Secret Story 5, donc de cette année, est tellement génial. Un carton, ça fait tellement un carton que ça pourrait être prolongé. Donc après le bide de Carré VIP, où on sait que ça n'a pas tenu plus de 2 semaines. Eh bien TF1 aurait envie de se faire durer le plaisir et de reporter la finale. Donc le programme, il a débuté le 8 juillet. Ouais. Et la finale normalement devrait avoir lieu le 30 septembre, mais d'après les sources de Pure People, donc le site internet People, eh bien elle pourrait être reportée au 7 People, au 14. C'est un site internet People. Eh ben ouais. Oui, incroyable. Je sais, c'est incroyable. Wow. Ouais, non, c'est incroyable. Franchement, t'es là, ça Julie. Pourrait être reporté au 15 octobre. D'accord. Ah ouais, quand même, putain, c'est un mois quasiment. Ah ouais, non. Si tu avais compté, ça ferait 15 jours, mais c'est pas grave. Ouais, mais là, non, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Non, du tout. Oui, mais normalement. D'aujourd'hui. Donc, oui, mais normalement, c'était prévu au 30 septembre. Là, c'est la fin. C'est 15 jours. Oui, mais je disais dans un mois par rapport à aujourd'hui, tu m'écoutes pas, bon, tu m'aimes pas. C'est fini là. C'est terminé ou comment ça se passe là? Oh là là. Bon, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. J'espère que grâce à ça, comme moi, ça vous a mis de bonne humeur de savoir que Secret Story allait continuer encore bientôt. Ils font l'année complète. Là on bien. Quoi? Bientôt ils vont faire l'année complète. Ah oui, non, mais... Ah, mais ça marche bien. Bah oui, bon, enfin bon, il y a un moment faut quand même pas. Mais là, c'est un hein. peu le problème, tu vois, avec les chaînes de télé. Dès qu'il y a un truc qui leur apporte un peu de pognon, ils tirent voilà. sur la corde et à un moment donné, ça. Ouais, alors que quand t'as un truc que tu suis mais qui marche moyen, du coup ils l'enlèvent. Donc du coup tu suis le bordel et bah voilà, tu sais pas. Ah quoi, tu pleures encore pour Carré VIP? Ah oui, ça m'a fait de la peine. Ah bah oui, même Toff, ça l'a déçu. Et Toff, je vois qu'il est encore un petit peu meurtri comme ça. Mais tout a changé dans sa vie depuis Carré VIP, depuis qu'ils l'ont arrêté trop tôt. Ah non, mais ça, je n'en doute pas. Et puis en plus j'espérais rentrer moi dans Carré VIP et... Tu es tombé de très très haut, je pense. Bon allez, petite devinette qui colle encore une fois pour l'écran plat gagné 16/9 ainsi que l'appareil photo numérique. Je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. On proposait Michael Jackson. C'est Mike qui a proposé ça. Non, c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ par message. Dans un instant, on fait un tour du côté de l'info trafic pour voir ce qui se passe. Et puis bien évidemment du côté de notre ligne anti-relou. Mais on va écouter aussi Likey Lee. Avec Niro, c'est un de mes deuxièmes sons préférés qui passe sur Fun. Ouais, moi aussi. I follow you. Bon, je vais arrêter de chanter. Ça met la pêche, je trouve. Tu vois, t'as envie de sourire le matin. C'est vrai. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h43, bonjour tout le monde et puis bon réveil, on paiera vos factures dans un instant, on en reparle. Et bien évidemment, l'info trafic à 6h43, il se passe quelque chose ou encore rien? Bah oui, un accident sur la N98 à hauteur de Auvelay en direction de Mété, la situation est dangereuse. Un camion est en pâte sur la... Ah, en panne. Est en pâte, oui, il est à pâte. Un camion est en pâte. Est en pâte, tout à fait, ouais. Voilà, donc... pour le reste ça va, mais soyez prudents parce que les routes sont glissantes. Bah oui, forcément, nous sommes un peu en hiver, hein. Tiens, vous le rappelez, donc forcément. Mais non, mais c'est normal qu'il fasse dégueulasse comme ça, c'est normal. C'est bien, c'est horrible. Bah oui, 6h44 sur Fun Radio, le moment que vous attendez toutes et tous. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et oui, tous les matins, c'est comme ça que ça se passe. 7h15, 8h15 et 9h15. La ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages qui ont été laissés grâce à vous sur le répondeur. Et donc quand je dis grâce à vous, c'est parce que vous, en général, les filles, vous êtes nombreuses à retenir ce numéro par cœur, le 0 473 86 00 13, et à le donner à tous les mecs relous qui sont derrière vous pendant que vous êtes en soirée, pendant que vous êtes avec des copines, peut-être au cinéma, n'importe où, bref, qui sont derrière vous et qui... Hey, yo, yo, quoi. quoi, tu peux me donner ton numéro de téléphone. Par contre, ça c'est le pire quand tu rencontres un au cinéma avant de rentrer dans la salle, parce que t'es coincé avec lui pendant tout le film. Ah oui. Tu fais la limite, tu le rencontres en boîte, dans un bar, tu peux encore esquiver. Là tu peux rien faire. Là c'est fini, t'es pris au piège. À part changer de salle, mais bon. Ouais. Donc 0473 86 0013. Et donc on va écouter le premier cru de ce matin. Enfin le cru de ce matin avec le premier extrait de ce cru justement, écoutez bien. Eh hey Sabrina, quoi, c'est une blague américaine ou quoi? T'es où putain? C'est quoi, c'est la fête du slip ici ou quoi? Ça fait 2h30 que je t'attends. Eh, hey, soit tu me donnes, tu fais quelque chose. Ouais, donc, en plus des relous, il est un peu psychopathe. Hein. Il pète un câble. Ah ouais, lui il a pété une durite. Hein. Là il est. Fais quelque chose, putain. Fais quelque chose, merde. Ça donne quelque chose envie de le rappeler, tiens. Ah oui, ça donne envie. Hein. Ah bon, on a envie là pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, deuxième extrait. Maintenant des messages qui ont été tirés sur le 0473 86 0013, la ligne anti-relou. Jasmina. Voilà, apparemment t'es pas disponible pour l'instant. J'ai attendu ton appel toute la journée, sans nouvelles. Je me suis permis de te téléphoner. Et voilà. Attends. Allez, bisous, je te laisse. Et puis ce qui est bien, c'est que, tu sais, le mec, bon, déjà, il se trompe dans le prénom. Hein, ça c'est la première. Janina, Jasmina, enfin Thérèse quoi. Ça commence déjà très Josiane. Et après il raccroche parce qu'il y a son pote. Bon alors, tu fous là, tu viens ou quoi? j'arrive. Bon, allez, ah oui, c'est très sexy tout ça. Ouais, très sympa. Et enfin, le dernier message de la ligne anti-relou ce matin. Salut, c'est moi. Voilà, c'est pour te dire que je pensais très fort à toi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. C'est une fille. Ça y est, on a une fille. Ça y est, bon, on va le remettre. Salut bébé, c'est moi. Voilà, je pensais très fort à toi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ah, une fille de Liège qui relou apparemment, d'après l'accent en tout cas. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle dit quand même salut bébé. Hein. Alors attends, c'est horrible. Moi j'ai une meuf que je rencontre pour la première fois qui me dit salut bébé. Je lui dis, bon déjà elle m'appelle pas bébé, hein, comment ça se passe. Mais là, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est une relou, il en fallait bien une fille, on l'a. Bon, voilà, ça y est, on l'a eu, on est content. Bon, allez, la ligne anti-relou revient tout à l'heure, ce sera aux alentours de 8h moins quart. On va rappeler aussi la petite devinette qui colle, là, au 63-22 pour gagner un écran plat 16/9 ou un appareil photo numérique. La petite énigme qui colle de ce matin, écoutez-la bien, je nais noir, donc je suis né noir. Je vis rouge et je meurs gris. Qui suis-je ou que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63-22. On proposait le feu. Ce n'est pas le feu, mais c'est un rapport avec, cela dit au passage. Et on aurait pu en faire beaucoup plus cet été. Malheureusement, il a fait relativement mauvais, ce qui fait qu'on n'a pas eu l'occasion. Mais rassurez-vous, vous en aurez plein dans votre salon pour ceux qui possèdent ce qu'il faut cet hiver. Ouais. Voilà. Donc voilà, je pense que je peux pas dire plus. 63-22, bonne chance tout le monde. Et puis on paiera vos factures aussi dans quelques instants. On vous offrira le scooter puisqu'il ne reste plus qu'une seule lettre à trouver pour faire tomber ce scooter. Je vous en dis plus juste après le son de Likey Lee maintenant. I Follow Rivers sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 6h48. Mickaël, à la radio. Hey Mickaël, c'est John McLean. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Ah, il fallait voir Julie là sur cette chanson. Elle mettait son casque, elle était là sur une autre planète. J'ai plané. Elle dansait. Non, mais elle met vraiment là, de bonne humeur cette chanson. J'ai l'impression de courir dans un champ de fleurs comme ça. Oui, comme avec ça. Non, pas trop, non. Là, je fuis plutôt. Oh, arrête, Niro, c'est bien. On l'écoutera probablement tout à l'heure. De courir dans un champ de fleurs. Mais oui, dans un champ de fleurs. Mais oui, tu vois, ça fait très comme ça. Qu'est-ce que tu es poétique de bon matin. Mais oui. 6h51 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Dans un instant, on va vous payer vos factures, comme chaque matin au 63-22, en débutant le message par facture, comme un petit message qui vient d'arriver. Facture 100€, c'est les cours d'œnologie. Prêt hypothécaire 420€, 399€ pour une nouvelle télé, 103€ pour Belgacom, 171€ pour l'assurance habitation, 256€ pour la taxe de roulage annuelle, 55€ pour la facture téléphone, 404€ pour les frais hospitaliers. Et donc vous, si vous voulez qu'on vous appelle d'ici une grosse dizaine de minutes, pour ne pas dire un quart d'heure, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Bon, tof. Alors, tu nous expliques ta grande idée pour aujourd'hui. Alors, bah, en fait, est-ce que vous avez lu l'info de la vieille là qui s'est fait tatouer sur la poitrine Ah oui, oui, qu'elle voulait pas se faire réanimer. Ouais. Je pense. Moi, ça me dit rien. J'avais l'info de Julie des Japonais qui se faisaient tatouer sur les dents, mais sinon, non, mais cette info, elle date d'il y a 2-3 jours, je pense. Ouais, il y a 2-3 jours, Julie me l'a montré hier. Donc, du coup, en fait, c'est une nana, elle s'est fait tatouer. Ne me réanimez pas sur ses seins. Ah, et du coup, je vais faire quoi? Bah, du coup, ça m'a donné une idée. J'ai décidé d'aller me faire tatouer avec mon amoureux. Oh, oui. Bah, c'est mignon ça. Jusqu'ici, bah, c'est pas très original, mais. C'est vrai, mais c'est parce que vous ne connaissez pas encore mon amoureux. Ah, d'accord. Ah bon. Allez, on appelle où alors? On va appeler à Bruxelles. D'accord, ok. Mais des salons de tatouage à 6h52? Bah, écoute, on verra bien. Bon, enfin, cela dit, ils peuvent fermer la sortie. Il y en a qui sont ouverts la nuit. Enfin, bon, allez, on est parti, on y va. Tu peux aller tatouer la nuit? Oui, bah, tu sais, après, ils sont pas dans le détail non plus. T'es bourré là. Oui, sort de boîte. Bon, allez, on y va. C'est toujours à ce moment-là qu'on fait les conneries de toute façon. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien là, chez le tatoueur. Oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une demande un petit peu particulière. Voilà, je souhaiterais me faire tatouer avec mon animal de compagnie. Avec l'animal de compagnie? Oui, voilà, c'est ça. Ça va être juste, hein. C'est pour des régions d'hygiène. Oui, je comprends, mais vous savez, c'est un chien? Non, c'est un pigeon très propre. Attends, parce que ta demande elle est vraiment spécifique. Oui, là. je sais. Non, c'est exclusivement interdit. Oui. Hein. Voilà. C'est vraiment trop dangereux. Ah bon? C'est un pigeon, c'est ça? Oui, c'est un pigeon. Oui, nous vivons une histoire d'amour depuis quelques années. Ah ouais, c'est une blague ou? Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Tu sais venir sans, quoi. Bah oui, mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais voulu que moi j'ai un demi-cœur et que lui il ait l'autre demi, vous voyez. Parce que voilà, en fait, je l'ai récupéré à Paris, il était malade, je l'ai soigné et depuis nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Ouais. Et j'aurais voulu, voilà, on voudrait partager cet amour par un tatouage, un demi-cœur chacun, avec notre nom inversement. Vous voyez, moi ouais, j'aurais mais son nom. Là, je t'avoue, ça va pas être possible, quoi. Bah pourquoi? Ah, parce que c'est pour des raisons d'hygiène, comme je viens de te le dire, ça. Bah oui, mais enfin bon, écoutez, ouais, c'est un pigeon. Mais je vais te laisser parce que là, enfin, t'as compris la raison pour laquelle on peut pas, mais voilà quoi. En tout cas, passe une excellente fin de journée. Quoi. Enfin, oui. Bah, écoutez, oui, mais je suis quand même très déçu. Je comprends bien, mais c'est pour toi en premier qu'on le fait. Une bonne journée, hein, ciao. Allez, bah c'est un échec total, hein. Cuisant, hein. Je suis très déçu. Ah ouais, mais bon, pourtant c'est dommage, déçu. Hein. Tu t'as trouvé un pigeon parti en plus. En animal compagnie. Oui, ouais. Bien sûr, il est là dans sa voiture et. C'est ça que j'entends tous les matins quand j'arrive et que je me garde. C'est son alarme en fait, hein. Voilà, c'est son alarme. Il protège ma voiture. Oui, c'est ça, oui. Bon, on rappellera tout à l'heure d'autres tatoueurs pour avoir peut-être plus de chance, je ne sais pas. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. Qui suis-je? 63,22, 1€ par message. Écran plat 16/9 à gagner ou appareil photo numérique. Et David Guetta maintenant, c'est Titanium sur Fun. David Guetta à l'instant avec Titanium sur Fun Radio. Nous avons Laurent qui est avec nous maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Salut Laurent. Salut Mickey. Comment vas-tu? Très bien et toi? Dis donc, j'ai rêvé ou tu m'as appelé Mickey? Il a dit Mickaël. Ah, t'as dit Mickaël ou par Mickey? Par contre, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu veux l'énerver, ouais, c'est une bonne idée. Ah, mais sinon, là, ouais. Non. Alors, je supporte pas qu'on m'appelle Mickey. Enfin, voyons, je mets une souris. Bon. En fait, faut bien t'énerver, faut fumer une clope devant toi. Ouais, ah ouais, là je pense qu'on peut bien m'énerver pour la journée, ouais. Bon, alors Laurent, t'as 40 ans, t'appelles d'où toi? De Derlec. De Anderlec, c'est ça? Non, de Derlec. Ah, Derlec. Oui, c'est comme Anderlec, mais sans le en, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu voilà, ça, ouais. Merci pour ça, Mickaël. Mais je t'en prie, avec plaisir. Bon, tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Je nais noir, je vis rouge et je meurs gris. Du charbon de bois. Eh bah, c'est une bonne réponse, eh bah, bravo à toi, tu vas choisir ton cadeau avec Toff au standard, d'accord? Ouais, d'accord, merci. Allez, passe une bonne journée à Derlec, ciao. Ciao. Allez, à bientôt. Et puis dans un instant, la petite question qui colle, je peux vous la dire dès maintenant. Après les ordinateurs, les téléphones ou les cartes bancaires, quelle est la prochaine cible des pirates informatiques? C'est un truc. Je crois que je vois. Voilà, ça roule. J'en dis pas plus, mais ça roule. Attends, ça va, t'as donné la réponse. Bah non, ça non. Roule. Bah non, il y a plein de trucs qui roulent. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, il y a des cadeaux pour vous, bien sûr. Et il est 7h du mat, on passe aux infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Du côté des négociations politiques, le formateur Elio Di Rupo cherche toujours de nouvelles pistes pour mettre tout le monde d'accord. Les huit partis, le formateur se retrouve aujourd'hui vers midi, toujours pour débattre du fameux dossier BHV. Et on apprend ce matin que la Belgique devra trouver près de 7 millions d'euros pour le budget 2012 et que la prévision de croissance du pays a été revue à la baisse pour l'année prochaine. On ne peut pas tout dire sur Facebook. La justice a condamné un fonctionnaire wallon à 1 000 euros de dommages moraux pour violation du devoir de réserve qui s'impose aux fonctionnaires. Tout est parti d'un message envoyé sur le réseau social. Le fonctionnaire y indiquait que le responsable d'une association avait perdu l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité de médiation de dette. Le message était revenu à l'intéressé qui a saisi le juge de paix. Le juge de paix de Wii lui a donné raison, qui affirme que le comportement du fonctionnaire constitue une violation manifeste du droit de réserve. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays et également en Belgique, même jusqu'à Bruxelles ou Namur. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire royal de Belgique. L'Europe veut imposer un système d'appel d'urgence baptisé e-call sur les voitures neuves. La Commission avait demandé qu'e-call soit déployé volontairement dans toute l'Europe pour 2009, mais l'adoption de ce système a jusqu'ici été très lente. Actuellement, 0,7% de tous les véhicules particuliers et dans l'Union européenne seulement sont équipés de systèmes automatiques d'appel d'urgence, un chiffre qui augmente très peu. Actualité à l'étranger, pluie diluvienne à New York. Obama décrète l'état d'urgence. Les autorités américaines avaient annoncé plus tôt avoir ordonné l'évacuation de 100 000 personnes menacées par des inondations, tandis qu'au moins 5 personnes ont trouvé la mort en Virginie et en Pennsylvanie. En Libye, au moins 30 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 6 mois et 50 000 autres blessés. Il s'agit du premier bilan officiel depuis le soulèvement contre le colonel Muammar Kadhafi. Et puis enfin en sport, ce matin, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde du rugby en Nouvelle-Zélande et ce sont justement les All Blacks qui ouvrent le bal et qui affronteront les îles Tonga. Allez, 7h02 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Voilà, matinée plutôt maussade, mais les éclaircies devront déjà faire leur apparition cet après-midi. Température jusqu'à 21 degrés. Demain, il va faire beau, mais les nuages seront déjà de retour dans la soirée. Dimanche, pluvieux et venteux. Ouais, donc voilà, c'était bien fait. Hein. Bah oui, écoute. Il va faire ça ce week-end, peut-être à part demain, mais vite fait alors. Dimanche, ouais. Ouais, ouais, dimanche. Ouais, voilà, c'est ça. 7h03 sur Fun Radio, c'est l'info en plus aux 30 secondes, restez là. Radio. Fun Radio. On est de retour sur Fun Radio, 7h03. Bon réveil tout le monde avec l'info en plus de Julie. Ah, c'est quand même une info assez folle. En 22 ans, une Chinoise a adopté... Allez, devine, combien d'enfants ? Bon, si tu dis que c'est fou, il n'y avait pas deux, donc je sais pas moi, 50. Alors elle a adopté 80 enfants. Ah quand même, hein. Ouais. Alors c'est assez dingue son histoire parce que bon, elle a commencé à adopter un premier enfant qu'elle avait trouvé, qui avait été abandonné, qui était handicapé. Elle avait elle-même déjà un fils et elle a laissé son fils de côté à l'adoption en disant que lui il était en bonne santé. Oh, et donc elle a adopté ce premier enfant handicapé, puis petit à petit comme ça, d'année en année, elle est arrivée jusqu'à 80 enfants qu'elle a adoptés. Mais t'imagines les repas de famille. Alors là je n'ose imaginer, sauf qu'elle elle vient d'un milieu très modeste et elle habitait dans un 40 mètres carrés. Ah ouais, bah 80 c'est bien, hein. Donc je crois qu'elle en adaptait un, elle l'élevait et puis elle essayait qu'il soit tout seul. Un demi mètre carré par personne, c'est pas mal. Ah oui, non, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a moyen de tenir dedans, je crois. 50 cm carrés, c'est bien aussi, hein. Ouais. Bon, bah sympa, dis donc. Bah, elle a un grand cœur, mais bon, après, voilà. Pas non plus poussé, quoi. Bah, une grande famille aussi, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça comme c'est clair. Angelina Jolie, au final. Oui, oh, voilà, c'est trois fois rien, ça. C'est ça, c'est petite joueuse. Rien. Attends. 7h05 sur Fun Radio, soyez bienvenus si vous débarquez dans un petit instant. Nous allons payer votre facture comme chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10. Et pour vous inscrire, un seul numéro, celui des SMS au 6322, c'est 1€ par message. Vous débutez ce message par facture. Ensuite, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans 5 minutes, on vous appelle pour peut-être vous rembourser votre facture. Restez bien branchés sur Fun Radio. On va faire péter aussi le scooter peut-être, donc ça aussi, ça va arriver. Le temps d'écouter Maroon 5 maintenant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde et puis bonne matinée et bon week-end aussi pour ceux qui ont peut-être déjà démarré le week-end, ça arrive là. Oh, on est trop de la chance. Bah comme Vince par exemple dans la Libre Antenne le soir, il est déjà en week-end lui. Oui, rien, Maroon 5 à l'instant sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger, 7h08 et attention, je vais vous donner un indice maintenant pour le scooter. J'ai décidé. Je vais vous donner un indice. Un scooter 125 cm3 Kimco Like qu'on vous file depuis cette semaine. Il faut découvrir la plaque d'immatriculation de ce scooter. On sait que c'est, ça commence par 1, ensuite M, ensuite on ne sait pas, ensuite M, ensuite 242. Il reste une lettre. Et je peux vous donner un indice. C'est au-delà de la 15e lettre de l'alphabet. Ah oui. Ah, ça réduit quand même déjà. Ça réduit pas mal. Ouais. Voilà, c'est au-delà de la 15e lettre. Pas très loin de la 15e lettre, mais au-delà de la 15e lettre. Si vous avez la bonne réponse, 6322, débutez votre message par scooter, vous mettez la plaque d'immatriculation que vous imaginez avec vos coordonnées complètes et on vous appelle dans quelques instants pour que vous puissiez balancer cette plaque à l'antenne et peut-être repartir avec votre scooter 125 cm3. Ça peut être pas mal pour un démarrage de rentrée. Ah oui, ça peut être plutôt bien. Bien te la péter en arrivant à l'école. Voilà, je vous le rappelle, ça commence par 1, puis M, puis c'est au-delà de la 15e lettre de l'alphabet, pas très loin, mais au-delà, puis M de nouveau, puis 2, 4, 2. Voilà, bonne chance tout le monde, hein, cela dit au passage. 7h10 maintenant, on va payer vos factures, allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, à 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun Radio, chaque jour, nous appelons 3 fois d'affilée pour vous rembourser votre facture. Vous avez fait une grosse dépense, là, finalement, après réflexion, vous dites, c'est peut-être pas le moment au final. Hein. Eh ben, nous sommes là pour tenter éventuellement de vous la rembourser. Pour ce faire, c'est facile, il faut s'inscrire au 6322 en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. Oh ça non. Commence mal. Et si on vous appelle et que vous décrochez... Ah, j'ai pas entendu son nom, c'est Marine, je crois, mais je suis pas sûr. Et bah, si vous décrochez et que vous répondez que c'est Fun ou Mickaël, bah, c'est gagné. Là, c'est raté. Voilà. Bon, enfin, on va pas non plus, dis donc, laisser pendant 107 ans un message. Josiane, est-ce qu'on peut laisser un message ? C'est long truc parce que tu raccroches avant d'office, tu n'as jamais de message. Allô, bonjour. Alors, malheureusement, je n'ai pas entendu ton nom, c'est Marianne peut-être, ou Myriam, je sais pas, je suis pas sûr. Ou Josiane. Mais oui, ou Josiane, ça finissait par Yann, il me semble. Bon, enfin, bref, c'est Mickaël, t'étais à la radio, sur Fun Radio. On devait rembourser combien, Tof ? 103 euros. Ah, c'est dommage, hein. Ah oui. Ça, c'est dommage. Ah, 103 euros, ça aurait fait plaisir. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Bah, tu retournes ta chance quand tu veux. En tout cas, je te fais des gros bisous. Passe une bonne fin de semaine et un bon week-end. À bientôt. Ciao. Et puis, bah, les autres, 6322. Inscrivez-vous dès maintenant, puisque vous connaissez la règle. Quand ça ne décroche pas à une heure précise, du coup, on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent entre le moment où ça décroche pas et l'heure suivante. C'est-à-dire ceux qui vont s'inscrire entre 7h10 et 8h10 tout à l'heure. Bonne chance, tout le monde. Donc, 6322, débutez votre message par facture. C'est aussi simple que ça. On va donc rappeler quelqu'un tout à l'heure et puis ça y est, elle est contente, Julie. Ah bah oui, Bob Sinclair. Mais non, mais j'essaye de, tu vois, je reste dans le move, quoi. Bah oui, elle est contente. Bah oui, tant mieux. Hein. Je danse. Bah oui, elle a raison. Et c'est dansé sur Fun Radio. Danser. Bob Sinclair, The Beat Goes On maintenant sur Fun Radio. Bob Sinclair sur Fun Radio, The Beat Goes On. C'est marrant, je suis en train de tousser comme si j'allais être malade. Mais oui, je me faisais la même réflexion. Dommage. Et j'espère que tu vas pas tomber malade parce que moi je suis déjà à deux doigts. J'ai passé une soirée sur un bateau hier. Sur un bateau. Ouais, mais ça c'est parce que t'es blindé. Ça c'est à ton relais. Rien à voir, j'avais une soirée. Mais rien à voir. Un bateau sur, au canal. Mais, mais donc, du coup, c'était un petit peu à l'extérieur donc je crois que je vais tomber malade aussi. Il y a des chances, ouais. Bon, enfin bon. On verra bien, le premier que tombe malade a gagné. Ok, super. Et on gagne quoi ? Ouais, bah je sais pas, on verra bien. Bon, allez, petite question qui colle encore. Après les ordinateurs, les téléphones ou les cartes bancaires, quelle est la prochaine cible des pirates informatiques ? Si vous avez la bonne réponse, 6322, ou alors sur le site aussi, mikael.fm pour la lâcher votre réponse. N'hésitez pas, et sinon 6322, c'est 1 euro par message. Voilà. Bon, on va se faire l'horoscope maintenant avec notre ami Doudou qui est là, qui attend, et qui attend, et bon, bah allons-y. Fun Radio. L'horoscope. Mais oui, l'horoscope avec Doudou, hein. Bah oui, moi je veux bien faire l'horoscope, mais si on le faisait qu'une fois aujourd'hui ? Bah pourquoi ? Bah parce que vous êtes le meilleur animateur de radio, le plus fort, le plus sympa. Là, qu'est-ce qu'il veut obtenir là ? Vous seriez pas en train de me lécher les bottes là pour partir en week-end plus tôt là ? Ah, ça s'est vu ? Bah un peu quand même. Hein. Ah non, pas du tout. Ici, un petit peu quand même. Ah bon. Bon, allez, on va commencer par les béliers, Doudou. Alors, vous avez tendance à critiquer trop facilement vos collègues. Ah bon ? Tiens, c'est bizarre ça. Les taureaux. Essayez de garder votre calme lors de disputes et ne dites rien que vous pourriez regretter plus tard. Les gémeaux. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les cancers, c'est Julie. Attention, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ah là là. Ah là là. Non, j'ai besoin d'un bon horoscope. Là, c'est pour me donner la pêche. Allez, bon. Dans votre vie de couple, l'harmonie qui règne, sachez. Appréciez cette bonne ambiance. Ah mais oui, je l'apprécie pour un week-end, c'est bien. Je l'apprécie tous les jours. Non. Ah oui. Bon, les lions. Plutôt 18 ou 20 cm. Oh, Doudou. Ne regarde pas, Doudou. Les lions. Ah bon. Alors pour retrouver la, pour retrouver votre paix intérieure et votre calme, retirez-vous un peu ce soir. Il est perturbé, Ludo. Hein. Bah, mais vierge. Oui, j'aimerais bien partir en week-end. Oui, bah ça va bien. Nous aussi. Heures, hein. Choisissez un autre jour pour vos projets importants. Les balances. Vous renforcez votre faculté de persuasion et vous travaillez de manière dynamique. Les scorpions. Prenez en compte les faiblesses des autres. Votre perfectionnisme est une qualité importante, mais il ne faut pas exagérer. Les sagittaires. Dépensez votre trois plein d'énergie au sport. Cela augmente votre bien-être et surtout, ça a des effets secondaires. Vous allez perdre du poids. Bah, c'est une bonne nouvelle, les capricornes. Mais oui, continuez à suivre votre intuition. Les verseaux. On vous demande un service qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes professionnelles et vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Profitez-en. Et enfin, les poissons pour finir. Votre partenaire se sent négligé. Alors faites quelques efforts. Sortez un peu de l'injoui. Oui, bah, par exemple. Oui. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Doudou. À tout à l'heure dans une heure. Oui, mais alors pour mon départ en week-end. Ah bah, ce sera vers 9h30. Ah bon. Bah oui, vous allez voir, ce sera bien vers 9h30. Pas mal, 9h30. Ce sera très bien, 9h30. Oh, je suis déçu quand même. Oui, mais ce sera très bien quand même. Bon, allez, on s'écoute Deep Side DJs maintenant sur Fun Radio à 7h17, Never Be Alone. Et je rappelle qu'il y a toujours le scooter à gagner. On connaît quasiment toute la plaque d'immatriculation. La seule qui manque, je peux vous dire, c'est au-delà de la 15e lettre de l'alphabet. Bonne chance, 6322, débuté par scooter avec votre proposition, 7h17. Et voilà un son que vous n'entendez que sur Fun Radio, Deep Side DJs, Never Be Alone, 7h20, bon réveil et bonne matinée tout le monde. Avec la réponse dans un instant, la question qui colle après les ordinateurs, les téléphones ou les cartes bancaires, quelle est la prochaine cible des pirates informatiques? C'est quelque chose qui roule et pas qui se roule. C'est important, il faut pouvoir le préciser. C'est quelque chose qui roule, voilà. Et qu'en général, tout le monde a, oui, il y en a beaucoup, trop, beaucoup trop. Ah voilà, j'ai une idée. Je peux donner un indice. Julie regarde avec un morceau cassé. Oui. Elle est complètement défoncée. Non, elle n'est pas complètement défoncée. La porte. Voilà. Non, elle est pas complètement défoncée, tu peux juste l'ouvrir. Ouais. Bah quoi, je peux l'ouvrir par l'autre côté. Si, ouais, il y a le deuxième côté quoi. Bon, 7h21, si vous avez la bonne réponse, okay. 6322, il y a des cadeaux pour vous donc n'hésitez pas, bien sûr. Oui, bah c'est vrai, c'est pas ta faute, c'est vrai. Mmh. Bon, allez, on perd pas de temps, c'est le moment de notre ami docteur Caillou. C'est quoi votre veille du jour, docteur? Alors, mon cher Mickaël, le premier mail que nous avons reçu provient de. Ah tiens, mais c'est une lettre anonyme. Ah, bah c'est peut-être Toff, tiens. Ah non, c'est pas moi, je suis innocent. De toute façon, on va voir ça tout de suite, hein. Bah c'est ça. Allez, docteur Caillou, let's go. Alors voilà, je prends mon papier, j'en lis. Cher docteur Caillou. Bah ça tombe bien, c'est vous. Voilà. Mon fils, qui comme vous le savez est hyperactif, ne bouge plus depuis que je lui ai administré le médicament pour ses crises et ses angoisses que vous lui aviez prescrit vendredi dernier. Il a vomi du sang, son cœur ne bat plus, et vous êtes injoignable au téléphone et je n'arrive pas à lire ce qui est marqué sur la boîte et la notice. Qu'a fait ? Oh là, ça devient hard, Caillou. Hein. Enfin, je voulais dire docteur Caillou. Eh hey, mais c'est génial, hard Caillou ! Ça fait hard rock en anglais. Un temps mort pour Toff. Hein. Bon, on vous écoute pour votre réponse, docteur. Oh, ma réponse pour ma personne. Mon cher Luc de la rue des Aubépines, à quoi bon vous cacher, je vous avais reconnu. Vous m'avez dit que vous ne supportiez plus votre fils, j'ai donc abrégé vos souffrances en l'administrant la morora. De toute façon, si vous aimiez votre enfant, que vous aviez été à l'école et appris à lire, ça aurait pu être évité. Okay. Oui, bah, donc c'était pas Toff, quoi. Et puis vous avez démasqué un de vos patients. Bah, bravo, félicitations. Merci. Mais dites, Mickaël, vous permettez que je vous pose une petite question à Toff maintenant? Oui, allez-y, mais vite. Hein. Alors, Toff, ça vient de Christophe ou Christian? Bon, un temps mort également pour Dr Caillou et égalité avec Toff, hein. Il est trop fort ce Dr Caillou. Ouais, ça c'est sûr, effectivement, c'est un vrai. Ah oui, qu'est-ce quoi, qu'il vous est fort. Quoi, bout en train? Non, il n'est pas. Non, c'est un vrai, voilà, je n'en dis pas plus, c'est un vrai. Moi, c'est tout simplement sa tête qui me fait peur. Oui, oui, c'est vrai qu'il a une tête particulière. Il est trop fort, c'est. Et puis il arrive comme ça et puis il repart comme ça. Voilà, on vous mettra une photo à l'occasion, hein, si vous le souhaitez. À l'occasion. Alors. Oui, vraiment à l'occasion. 7h23 sur Fun Radio, on va prendre la réponse maintenant à la petite devinette qui colle. Pas du tout. Pas d'accord. Parce que les gens ne veulent pas te donner la réponse. Ah non, mais s'ils veulent pas gagner des cadeaux, après, moi, j'ai pas de malaise avec ça, hein, aucun si, problème. J'envoie moi des réponses, Toff. Oui, non, tu vois des réponses, mais que les gens décrochent pour passer l'antenne, c'est un autre problème. Attends, mais tu en demandes beaucoup là. C'est ça, attends, c'est le matin, 7h23, t'abuses un peu quand même. Deux secondes, hein, ouais. Et on va balancer le scooter. Enfin, balancer. On donnera aussi dans un instant la réponse, j'espère en tout cas, au scooter pour repartir avec ce scooter. Le Kimco 125 cm3, ce qui est plutôt quand même un bon plan, faut quand même dire ce qui est. Bon, c'est bon, on a quelqu'un ou tant pis. Non, regarde, tiens, voilà. Tu peux lui laisser un message, tu veux. Bonjour. Ah bah, Philippe m'a peut-être rejoint. Ah bah Philippe, tant pis pour toi, Philippe. Il n'a pas envie de répondre, oui. Ah, il vous rappellera dès que possible. Oui. Bobard, Charnay, Baliverne, il n'a pas envie de vous parler. Alors, laissez-lui un message. Oh là là. Raccrochez. Ou alors, une injure. Oh oui. Bon, on va raccrocher, non? On va essayer un autre. Non, je voulais juste laisser un message là. Oui, salut Philippe, c'est Mickaël. Bah tant pis, t'es bête, hein, t'avais joué, t'avais trouvé la bonne réponse pour la question qui colle, tu décroches pas. Bah voilà, tant pis, voilà ce qui arrive, Philippe, hein, quand on fait le malin. Tant pis, salut Philippe. Bonne matinée, bon week-end voilà, à toi. Bon message pour bien commencer la journée. Eh bah ouais, bah tant pis, bah c'est dommage. Bon bah tant pis pour. On a quelqu'un là? Oui, on a Arnaud qui est là. Ah, Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va Arnaud? Ça va bien, merci, vous? Bon, oui, on va bien, ouais. T'appelles d'où Arnaud? T'as quel âge? Jean Blou. De Jean Blou. 29 ans. D'accord, ok, très bien, on écoute Fun Jean Blou sur le 89.2. Et attention, tu as la bonne réponse, je pense, pour la question qui colle. Après les ordinateurs, les téléphones ou les cartes bancaires, quelle est la prochaine cible des pirates informatiques? Les voitures. Exactement, ils vont s'en prendre aux voitures. C'est une société qui fabrique des antivirus qui met en garde la population, puisque apparemment avec le Bluetooth par exemple et d'autres logiciels en tout genre présents d'autres logiciels présents dans les airbags par exemple, dans d'autres éléments aussi, hein, comme je le disais, le Bluetooth ou tout ce qui est informatique dans une voiture, et ben il y a moyen d'arriver à la choper en fait, tout simplement. Donc faites gaffe quand même, hein, les mecs qui veulent venir parano. Conduire ta voiture et tout ça. Ouais, ça peut être, t'imagines à distance avec l'iPhone, ça peut être cool. Bon, et ben bravo à toi Arnaud, tu repars avec les cadeaux, je te au standard, ok? Merci, c'est gentil. Hein, salut. Bonne journée. Bonne journée à toi, à bientôt. Au revoir. Salut, salut. Et restez bien là. À 7h25, on va s'écouter dans quelques instants Snoop Dogg avec The Max sur Fun Radio. Restez bien là, tout de suite. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Fun Radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h28 sur Fun Radio. Dans un instant, l'info va débarquer avec notre amie Julie. On va jouer aussi au Petit Déj Express. Si vous aussi vous voulez jouer avec nous au Petit Déj Express, Toff se transforme en serveur. Et il est meilleur de jour en jour. Oui, enfin bon, il fait quand même tout tomber chaque fois. Mais bon, bref, oui, 3044. C'est vrai, il va plus loin. 3044 par SMS, débuté par Dej, D-E-J. Et on vous appelle dans moins de 10 minutes pour jouer avec nous, et la petite devinette qui colle également, avec toujours les écrans plat 16/9 à gagner et l'appareil photo numérique. J'ai un lit mais je ne dors jamais, qui suis-je ou que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63,22 1€ par message, appareil photo numérique à gagner. Oh, ça va. Appareil photo numérique à gagner ou écran plat 16/9. J'ai un lit mais je ne dors jamais, qui suis-je ou que suis-je? Bonne chance tout le monde. Un indice si vous galérez juste après l'info. À 7h29, on y va maintenant avec Julie. Salut à tous. Du côté des négociations politiques, le formateur Elio Di Rupo cherche toujours de nouvelles pistes pour mettre tout le monde d'accord. Les négociateurs se sont quittés hier soir vers 22h. Ils se retrouveront aujourd'hui vers midi, toujours pour débattre du fameux dossier BHV. Les discussions sont qualifiées de difficiles mais de créatives par le porte-parole du formateur. Et on apprend ce matin que la Belgique devra trouver près de 7 milliards pour le budget 2012 et que la prévision de la croissance du pays a été revue à la baisse pour l'année prochaine. On est probablement rentré dans l'ère du papy boom. L'année 2010 pourrait bien avoir été celle du pic absolu en matière d'admission à la retraite. Avec 107 000 nouveaux pensionnés, il n'y a jamais eu autant de citoyens admis à la retraite que l'année dernière. Durant les années qui viennent, le nombre d'admissions à la retraite devrait rester stabilisé à un niveau élevé et jusqu'en 2025. Et donc 107 000 râleurs en plus. Ah non, ils sont cool. Hein, ils ça râlent. Dépend en général. Quand c'est comme tu dis, ah, vous faites du bruit. Bah oui, bon, fait 13 heures. D'accord, ok. Ça, c'est les vieux, tu confonds. Ouais, pensionnés 65 ans, ils sont encore à la patate. Ouais, ouais. Alors, les récoltes belges de céréales devraient diminuer de 10%, passant de 3 millions à 2,66 millions de tonnes. Avec une diminution de la superficie, les rendements en céréales sont nettement inférieurs à l'année dernière. Les conditions de semences trop humides durant l'arrière-saison et la sécheresse du printemps sont les principaux coupables. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays et également en Belgique, même jusqu'à Bruxelles ou Namur. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire Royal de Belgique. Actualité à l'étranger, pluie diluvienne à New York. Obama décrète l'état d'urgence. Les autorités américaines avaient annoncé plus tôt avoir ordonné l'évacuation de 100 000 personnes menacées par des inondations, tandis qu'au moins 5 personnes personnes ont trouvé la mort en Virginie et en Pennsylvanie. Et puis en Libye, au moins 30 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 6 mois et 50 000 autres blessés. Il s'agit du premier bilan officiel depuis le soulèvement contre le colonel Muammar Kadhafi. Et puis enfin en sport, ce matin démarre la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande et ce sont justement les All Blacks qui ouvrent le bal et qui affronteront les îles Tonga. Voilà. Voilà, le temps maussade pour ce matin, mais éclaircies qui vont petit à petit arriver cet après-midi. Température jusqu'à 21 degrés. Demain, il va faire beau. Oui. Mais les nuages seront déjà de retour dans la soirée. Dimanche, pluvieux et venteux. Et génial, 7h32 l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti. Alors c'est une petite première en Belgique. La valeur des ondes GSM devra être bientôt mise en évidence dans les magasins. C'est une initiative des ministres de la protection des consommateurs. Donc vous savez, les ondes GSM, on en parle beaucoup pour l'instant, que c'est mauvais pour la santé, Quoi ? Et je dis, on en bouffe. Et on en bouffe pas mal, oui. Et bien maintenant, les valeurs des ondes vont devoir être affichées dans les magasins et les campagnes publicitaires. Et la Belgique, c'est donc l'un des premiers pays européens à obliger cette publication. Donc on est les pionniers. Les pionniers là-dedans. Voilà, exactement. C'est génial, cool, on est au top. Si on avait été les pionniers dans le soleil, par exemple, dans le gouvernement, hein, ça aurait été bien aussi. Ben, on est les pionniers puisqu'on est le record aussi. Oui, c'est vrai, on est le record. On a un record du monde quand même, c'est pas mal. Ah oui, on a un record du monde du pays le plus débile. Et là, on est à 452 jours, je pense. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, au-delà de 400, c'est quand même. Oui, non, enfin, c'est quand même. Les 500 jours. Ouais, bah ouais, on va se marrer. Ouais. On y croit là, on y croit. Bah, attends, bien sûr, directement. Une méga teuf. Une méga teuf, vous allez voir, ça va être génial. 7h33 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous appelle pour tenter de vous offrir le scooter. 6322, débutez le message par scooter avec la plaque que vous imaginez, sachant que ça commence par 1, ensuite M, ensuite on ne sait pas, ensuite M, ensuite 2, ensuite 4, ensuite 2. Et le je ne sais pas, c'est la dernière lettre qui manque, c'est au-delà de la 15e lettre de l'alphabet. Allez, bonne chance pour les inscriptions. Dans un instant, on va vous répéter aussi l'énigme qui. La de petite devinette qui colle de ce matin. Et puis nous ferons le petit déj express. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Le son de Man avec Snoop à l'instant, avec Snoop Dogg. C'était The Max sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite énigme qui colle. J'ai un lit mais je ne dors jamais. Qui suis-je ou que suis-je? Écran plat 16/9 à gagner ou appareil photo numérique. Vos réponses, vous les envoyez au 6322. C'est 1 euro par message. D'ores et déjà, bonne chance tout le monde. Et avant ça, nous avons Patrice. Ah non, c'est pas Patrice pour le scooter. Si, c'est Patrice, c'est pour, Patrice le pour le scooter. C'est ça. Salut Patrice. Oui, bonjour, salut. Oui, bonjour, salut. Comment ça va Patrice? Ça va, ça va. Bon, tu nous appelles pour tenter ta chance pour repartir avec le scooter, le 125 cm3, le. Mais on espère. Bah oui, j'espère bien. Oui, le Kymco Like 125 cm3 qui vaut quand même quasiment 2000 euros. Oui, mais like quoi? Bah il like, il est content. Et donc, du coup, tu repars d'office avec 25 euros de carburant pour aller faire le plein chez Octa Plus. Donc, ça, c'est gagné déjà maintenant, c'est sûr. Ok, okay. Maintenant, il me faut la plaque d'immatriculation du scooter pour repartir avec. On t'écoute. Donc, le 1, ouais. Le M. Ouais. Le Q, ouais. Le M, ouais. 242. Ah, c'est la mauvaise réponse. Ah non. Oh, c'est pas le Q. On était prêts. C'est... Ah, mais t'as pas de Q. Oh là là, merci. Merci Mickey pour ce jeu de mots. Quoi? Fais bien attention. Parce que je peux très vite m'énerver. Je pense que ma vanne du like était beaucoup plus drôle. C'est vrai. Bon, bah écoute, je suis désolé Patrice, tu retentes ta chance quand tu veux. A bientôt et reste là, on prend tes coordonnées pour te donner tes 25 euros pour aller chez Octa Plus, ok? Oui. Salut, salut, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Bon, et ben voilà, maintenant vous savez que c'est pas le Q, donc c'est 1, M, ensuite, on ne sait pas, ce n'est pas le Q, c'est au-delà de la 15e lettre. Et après c'est donc 2, 4, 2, voilà, donc si vous avez la bonne réponse, allez-y. Quelques messages qui viennent d'arriver là, c'est pas le T non plus là, je vais donner des indices là parce que ça commence à m'énerver cette affaire. Donc c'est pas le T, c'est pas le S non plus. Attends, c'est même pas des indices que tu balances. C'est pas le P. Bientôt, ça sera des. Tu sais, il va dire bon, alors vous envoyez la lettre. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, c'est pas le U. Tu vas absolument le faire gagner. Hein. C'est pas MUM. Oui, parce qu'il y a un moment, on arrive à la fin de la semaine, on va pas traîner le scooter pendant 6 ans quand même. Ah, bah écoute, moi je suis bien d'accord. Moi je dis depuis le début. Bon, 63-22. Je pense que je vous ai quand même donné pas mal d'indices ce matin pour repartir avec ce scooter. On rappellera encore quelqu'un avant 9h30, évidemment. 63-22, débuté par scooter avec la bonne réponse, si vous l'avez en tout cas. Et vos coordonnées complètes. Bonne chance, tout le monde. Et nous avons qui avec nous maintenant pour jouer au petit déj service? Alors nous avons Cédric, 27 ans, de Wallin. Salut Cédric de Wallin, 27 ans, comment ça va? Bonjour Mickaël, ça va très voilà, bien. C'est là où j'habitais. T'es en forme. Bonjour à... Oui, très bien. Et bonjour à Julie, que, en effet, que je connais, enfin, qu'on s'est connu il y a très longtemps. Ah bon? Ben c'est oui, pas on vrai. A été à l'école ensemble. Donc, ah oui. C'est pas vrai, vous alliez gambader dans la campagne. Et ton prénom? Non, bah Cédric. Ah Cédric, je vois très bien qui tu es. Oui, oui. Ah, salut Cédric. Oh, tu sais qu'elle m'a dit en antenne qui fait sur toi à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Allez, allez, c'est ça. Non, c'est vrai. Oui, on s'est connus tout petit. Hein. On était en maternelle, primaire ensemble. Dis donc, tu racontes ta vie là, non? Non, bah non, pas du tout. Pendant 30 secondes, elle va nous sortir les violons. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est. Ouais, non, bah c'est. Et ça va pleurer, ça va être génial. Ouais, bien sûr. Allez, je vais pleurer. Bah, allez. Mais oui. Bon Cédric, attention, petit déj service. Est-ce que tu veux lever le rideau? Eh oui, c'est ça. Petit déj service, il y a donc 10 objets sur le plateau de Toff. Il va courir à travers tout le studio. Si tu arrives à deviner combien d'objets il restera sur le plateau à la fin de sa course, eh bien tu auras gagné. Attention, hier il restait exceptionnellement une bouteille. D'habitude il y a zéro. Trop optimiste, mais, Cédric. Compte sur moi pour t'aider. Mais il s'améliore. Alors attention, on t'écoute Cédric, combien d'objets restera-t-il? Il en a, il y a 10. Zéro, hein. Zéro. Aucun. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Go! Je coupe la musique comme allez, ça. Tough. Et il court, et pour l'instant. Il y a eu du sabotage. Oh oui, mais attends, mais voilà, il fallait bien que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que Julie a attrapé par le. Julie m'a retenu, vous avez. De quoi, Cédric? Julie intervient comme d'habitude, il me semble. Bah oui, voilà, écoute. Elle a tiré sur le pull alors qu'il était bien parti, il avait l'équilibre et tout, et puis un drame, une catastrophe. Attends, je suis considéré comme un obstacle, c'est normal. C'est vrai. Bon, bah Cédric, en tout cas, bravo à toi, c'est gagné, je te renvoie au standard, ok? Ok, merci beaucoup. Bravo Cédric. Salut Cédric, à bientôt. Ciao à toi. Bye bye. Et restez bien là, 7h41 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde et Gino qui arrive avec Papi. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio et nous faisons un tour du côté de l'infotrafic maintenant avec Julie. Accident sur le 19 en Verse en direction de Bruxelles autour de Petit. C'est la bande de gauche qui est obstruée. La circulation est ralentie. Accident également sur le ring d'Anvers en direction de Gand à hauteur du tunnel Theismann. Le passage est difficile. Il y a aussi des files à cet endroit. Et puis accident dans l'échangeur le 19 en Verse Bruxelles avec le ring de Bruxelles en direction de Zaventem à hauteur de Machelen. Voilà. Bah voilà, bah c'est tout, bah très bien. Et pour les autres, si jamais vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas, bien entendu, 30-44, 50 centimes le message, vous le dites, témoin d'un problème, d'un bouchon, d'un accident, d'un radar également, ou alors si vous avez un smartphone comme ça, c'est gratuit, vous m'envoyez un petit mail à mikl@funradio.be. Mikl à la radio. Pour un monde sans relou. Oui, c'est le rêve de toute fille en général dans ce pays, et même sur Terre, hein, et en règle générale. Vous aider, les filles. Mais oui. 0473 86 0013, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Le numéro que vous devez retenir par cœur et le numéro que vous devez donner à tous les relous de Belgique qui viennent peut-être vous tenir la jambe quand vous êtes en soirée, en boîte, en discothèque, avec des amis peut-être aussi, ou l'ami d'un ami qui est relou et qui est seul, et qui a une tête de geek. Mais c'est vrai, oui. Qui est là, qui vient et qui vous tient la jambe, alors que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de courir loin de lui, eh bien vous lui donnerez ce numéro de téléphone, il croira donc que c'est le vôtre, sauf qu'il tombera bien sûr chez nous. 0473 86 0013, on écoute le premier message. Hé hey Sabrina, quoi, c'est une blague américaine ou quoi? T'es où putain? C'est quoi, c'est la fête du slip ici ou quoi? Ça fait 2h30 que je t'attends, hé hey. Tu fais quelque chose. Bah donc il avait quelques petits problèmes. Fais quelque chose. Je pense qu'il avait Gilles de la Tourette. Oui, il appelait. Il commence à s'énerver c'est vrai, là. Ça aurait tout d'un coup comme ça, il pète un plomb. On n'est ouais, pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Attention, deuxième message. Coucou Jasmina. Jasmina. Voilà, apparemment t'es pas disponible pour l'instant. J'ai attendu ton appel toute la journée. Tu n'es jamais venu. Je me suis permis de te téléphoner. Et voilà. Allez, bisous, je te laisse. Bon, ce qui est bien chez le mec, c'est que déjà il se trompe de prénom, hein, Jasmina, Janina, Thérèse, on sait pas très bien. Attends, si tu ne connais pas le prénom de la fille, n'appelle pas la fille. Voilà, c'est ça. En tout cas, ou alors ne cite pas le prénom. Oui, ne cite pas le prénom, effectivement. Et puis surtout, le truc bien, bien romantique, déjà le mec appelle des toilettes, hein, il faut le savoir, vu l'écho qu'il y avait. Et puis surtout avec son pote derrière. Oh, dis donc, t'as fini ? Ouais, j'arrive. Très sympa, je dois raccrocher, j'arrive, je suis désolé. Il se cache pour appeler. Voilà, c'est ça. Et bientôt il se cachera, mais pour mourir, je pense, tellement il n'aura jamais de réponse. D'accord, et merci Mickaël. Allez, troisième message. Mickaël, j'ai dit. Ah bon. Non, je veux pas taper non plus. Salut, c'est moi. Voilà, je peux te dire que je pensais très fort à toi. Et

On appelle quelqu'un avant 9h30, ceux qui s'inscrivent au 6322 en débutant le message par scooter. On vous rembourse vos factures aussi dans un petit instant. Et puis je vous rappelle aussi la petite énigme qui colle. J'ai un lit mais je ne dors jamais. Qui suis-je ou que suis-je? Petit indice bien sûr. En général, elle est humide. Très humide puisque même mouillée en règle générale. Hein. Julie, parfois des poissons dedans. Oh, j'étais sûr qu'il allait faire une blague comme ça. Ça c'était évident. Et l'homme qui se marre, voilà, tout le monde se marre dans ce studio. Voilà, si je ne suis entouré que d'hommes, hein, donc si vous avez pas le niveau. Quoi. Si vous avez la bonne réponse, 6322, débutez votre message avec la réponse. C'est 1€ par message et dans un instant. Une petite balade. Ah, Julie est contente, elle s'étend de nouveau à chaque fois qu'il y a une balade. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, du côté des négociations politiques, le formateur Elio Di Rupo cherche toujours des nouvelles pistes pour mettre tout le monde d'accord. Les négociateurs se sont quittés jeudi, donc hier soir vers 22h. Ils se retrouvent aujourd'hui vers midi, toujours pour débattre du fameux dossier BHV. Les discussions sont qualifiées de difficiles, mais de créatives par le porte-parole du formateur. Et on apprend ce matin que la Belgique devra trouver près de 7 milliards pour le budget 2012 et que la prévision de croissance du pays a été revue à la baisse pour l'année prochaine. Un homme et une femme ont été arrêtés après le meurtre d'une femme de 90 ans à Gerpine. La dame avait été ligotée, bâillonnée et battue à mort le 18 juillet dernier. Les deux suspects nient les faits reprochés. Alertés des voisins qui avaient entendu des cris, la police était intervenue en pleine nuit pour découvrir que la dame était décédée. C'était donc il y a un mois. Et puis un mois également, il y avait eu lieu une première arrestation, celle d'une femme soupçonnée d'avoir indiqué le coup à des complices sans y avoir personnellement pris part. Elle nie également les faits. On est probablement rentré dans l'ère du papy-boom. L'année 2010 pourrait bien avoir été celle du pic absolu en matière d'admission à la retraite avec 107 000 nouveaux pensionnés. Et il n'y a jamais eu autant de citoyens admis à la retraite que l'année dernière. Durant les années qui viennent, le nombre de pensionnés devrait rester stabilisé à un niveau élevé et cela jusqu'en 2025. Les récoltes belges de céréales devraient diminuer de 10%, passant de 3 millions à 2,66 millions de tonnes. Avec une diminution de la superficie, les rendements en céréales sont nettement inférieurs à l'année dernière. Les conditions de semences trop humides durant l'arrière-saison et la sécheresse du printemps sont les principaux coupables. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays et également en Belgique, même jusqu'à Bruxelles ou Namur. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire royal de Belgique. Actualité à l'étranger, pluie diluvienne à New York. Obama décrète l'état d'urgence. Les autorités américaines avaient annoncé plus tôt avoir ordonné l'évacuation de 100 000 personnes menacées par des inondations, tandis qu'au moins 5 personnes ont trouvé la mort en Virginie et en Pennsylvanie. Et puis enfin en sport, ce matin démarre la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Et ce sont justement les All Blacks qui ouvrent le bal et qui affrontent les îles Tonga. Très bien, on fait un tour du côté de la météo maintenant, 8h03. Voilà, temps maussade pour ce matin, mais les éclaircies devront faire leur apparition cet après-midi. Température jusqu'à 21 degrés. Demain, tenez-vous bien, il va faire beau. Mais oui, les nuages seront déjà de retour dans la soirée. Dimanche est pluvieux et venteux. Mais, bon, comme sur RTL, où est l'indice de confiance dans le fait qu'il fasse beau demain? Mais écoute, ils avaient l'air assez sûrs d'eux, mais ils préviennent déjà que les nuages vont revenir dès le début de soirée. Donc, ils ne se mouillent pas. Énorme. Oui, je suis assez fier de moi, énorme. Effectivement. Je l'ai travaillé. Hein. Ah oui, non, mais je... Bon, restez là, l'info en plus, elle arrive dans 30 secondes sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus maintenant sur Fun Radio à 8h04. Rappelez-vous, j'en avais parlé début du mois d'août. De ce fameux slogan, le 9 septembre, laissez-les pendouiller. Tout à fait. Et d'ailleurs, Toff a bien compris le concept. Hein. Et apparemment... Parce que j'ai laissé pendouiller. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que cela voulait dire, Toff? Ça voulait dire que je n'ai pas mis de caleçon aujourd'hui. Voilà, exactement. Et ça venait de l'association Gaïa, de protection donc du bien-être pour les animaux, qui encourageait les hommes à ne pas porter de slip ou de caleçon pour laisser pendre... leurs attributs. Oui, pour laisser pendouiller. Hein. Voilà. Et pour manifester contre les porcelets qui se font castrer sans anesthésie. Il y en a quand même 5 millions en Belgique par an qui se font comme ça castrer sans... sans anesthésie, quoi. Ça, ouais, alors là, c'est ultra douloureux pour eux. Et donc voilà, comme on veut un petit peu soutenir ces pauvres porcelets, enfin, en tout cas, vous, les hommes, vous pouvez les soutenir en ne portant pas de caleçon. Alors que les filles auraient pu également en ne mettant pas de soutien-gorge. Et je trouve encore une fois que pour l'égalité des sexes, c'est encore une fois toujours le mec qui va travailler. Tu comprends pas le rapport avec les porcelets qui sont castrés. Mais c'est, moi, je comprends le rapport avec pendouiller, quoi. Bah oui, et puis, moi. Bah et puis on sait que les femmes aiment les cochons, donc au bout d'un moment. Voilà. C'est ça. 8h05 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse votre facture cash. Allez hop, 6322, débutez le message par facture. Avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, des gens qui sont inscrits. Il y a 117€ pour opérer mon chat, c'est une femelle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah oui. 352€ pour un revenu cadastral. 1251€ à payer à Citibank. 204€ pour une couette, c'est Patrick. Ah, une belle couette, hein. 13 515€ pour le changement de châssis. C'est cher. Il a un château ou quoi? Je ne sais pas. Bah, c'est une voiture, un châssis en général. 90€ pour les cravelles. Ah oui, pour les châssis, oui, j'ai compris, le châssis d'une voiture. Ah oui, bon, parce que si tu changes le châssis de ta voiture, il y a un moment, on change de voiture. Bah, si c'est voiture de collection, enfin, t'en sais rien, mais cela dit, effectivement, ça peut vite monter, hein, le prix des fenêtres. Hein. 380€ pour la crèche. Ah oui, c'est cher d'avoir un gosse. Ah ouais, attends, c'est très cher d'avoir un moutard. Et encore, ça, c'est pas si cher, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors que si tu l'avais mis au congélateur. Oh, tof! Oh, tof! Bon, 6322, débuté par facture et Bad Meets avec. Bruno Mars, je veux Bad Meets Evil avec Bruno Mars et Lighters maintenant sur Fun Radio. Bon réveil. À la radio. Hey, Michael, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael à la radio. Michael à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Bad Meets Evil à l'instant sur Fun Radio, c'était Lighters. Et tous les matins, on est là sur Fun Radio avec vos messages qui arrivent en direct, évidemment. Ça se passe tous les matins entre 6h et 9h30 avec, avec Laurent qui est avec nous maintenant. Salut Laurent. Salut. Comment ça va de Marcinelle, Laurent? Pour écouter Fun à Marcinelle, c'est à Charleroi, 103.5. C'est bien ça, Laurent? Oui, c'est bien ça. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de mal, Laurent. Bon, Laurent, sois le bienvenu. Tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable de l'outillage industriel, dans un magasin d'outillage industriel. D'accord, t'es au travail là? Oui, je viens d'arriver, oui. D'accord, bon, bah écoute, bah, bon courage pour la journée. Attention, merci. Va-t-elle bien commencer ou pas la journée de travail? La petite devinette qui colle. J'ai un lit, mais je ne dors jamais. Qui suis-je ou que suis-je? C'est la rivière. Mais oui, la rivière, évidemment. Bah, bonne réponse. Tu repars soit avec un écran plat 16-9, soit avec un appareil photo numérique. Tu gères ça avec Tof au standard. Ok, voilà, je te remercie. Je t'en prie, salut à toi, à bientôt. Salut, bonne journée, merci. Allez, ciao. Et encore une petite devinette. Maintenant, c'est la question qui colle. Combien de temps a mis un Russe pour faire les 9000 km qui le séparaient de sa maison après s'être fait voler son argent et ses papiers? Ah oui, j'attends un truc de dingue. Combien de temps a mis un Russe pour faire les 9000 km qui le séparaient de sa maison après s'être fait voler son argent et ses papiers? Il est rentré dans une manière relativement basique, hein. Je peux vous le dire. Ah, bah oui. Oui, il est rentré à pied. Oui, ça, c'est voilà. Il a fait 9000 bornes, mais en combien de temps? C'est ça la question. Allez, 8h12, on est 2 minutes en retard, mais c'est pas grave. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. C'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. 7h10, 8h10, 9h10. On vous paye vos factures 3 fois d'affilée sur Fun Radio, 3 fois par matinée. Et bah tout à l'heure ça n'a pas décroché à 7h10. Donc du coup j'ai décidé qu'on sélectionnerait que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Ce qui veut dire que techniquement, normalement, maintenant ça doit décrocher. Puisque là la personne s'est inscrite, elle sait que ça va décrocher. Enfin qu'on va peut-être l'appeler, donc ce serait quand même logique qu'elle soit disponible. Alors attention. On y croit. Ben, j'espère. 8h30. On appelle pour combien, Tof? Pour 90€, je crois. D'accord. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Non. Vous savez qui c'est? Fun Radio. Oui, c'est la police, madame. À chaque fois, je donne un air un peu désagréable. C'est pour que les gens disent bah, ok, on va te faire foutre. Non, dès que t'es désagréable, ils comprennent tout de suite que c'est toi. Ah, bah, il faudrait peut-être que je sois plus agréable. Je vais réfléchir. Bonjour, comment tu t'appelles? Charlène. Salut Charlène. Donc c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, tu l'avais deviné, tant mieux. On t'appelle pour te rembourser ta facture de 90€. C'est Super. Et c'est pour quoi la facture? T'avais acheté quoi? Electrabel en fait. Ah Electrabel, ah oui, c'est oui. Cher l'électricité. Hein. L'électricité, ouais. Bon, recharger son vibro, hein, c'est ça, ça. C'est ça qui consomme. C'est ça. Toujours des rappels. Je suis vraiment contente, merci. Bah écoute, y'a pas de problème. En tout cas, ça s'entend pas très bien que tu sois que t'es contente, mais bon, écoute, c'est pas grave. Mais on y croit. Mais on y croit, c'est le principal. Elle est peut-être introvertie, tu vois, elle garde son contentement. Mais t'inquiète pas, je sais ce que je sais depuis le début. Mais oui. Bon, en tout cas, bravo à toi, 90 euros, c'est pour toi. On merci, te fait le chèque. Gros bisous, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut, ciao. Et dans un instant, restez bien là, puisque nous ferons le... Qu'est-ce qu'on va faire dans un instant? La petite déclaration express. On va faire la déclaration express, bien sûr. La réponse à la question qui colle, le scooter. Et bien entendu, ce sera avant 9h. Le Mickaël réveille la Belgique. Et ce qui arrive juste après la pause, c'est Shakira et Wake Les Jean avec Hips Don't Lie. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Shakira à l'instant sur Fun Radio avec Wake Les Gens, c'était Hips Don't Lie. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Dans un instant, on vous donnera la réponse à la petite question qui colle, mais avant ça. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, c'est l'horoscope. Doudou. Doudou. Oui, je suis là. Bah non, justement, vous étiez pas là. C'est justement ça le problème là. C'est l'horoscope là. Oui, j'espérais que vous m'avez oublié. Oui, bien sûr, c'est ça. Pour que je puisse partir discrètement. Non, vous partirez à la fin d'émission comme tout le monde. Oui, je sais. Les béliers, Doudou. Alors, vous avez tendance à critiquer trop facilement vos collègues. C'est faux. Oh, quand même un peu. C'est faux. Les taureaux, regardez-vous me critiquer que je peux pas partir. C'est vrai, tu m'as critiqué aussi ce matin. Mais oui, c'est ça. Voilà, vous voyez. Mais quelle image. Les taureaux. Essayez de garder votre calme lors des disputes et ne dites rien que vous pouvez regretter. Les gémeaux. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les cancers. Dans votre vie de couple, c'est l'harmonie qui règne. Alors, sachez apprécier cette bonne ambiance. Avec plaisir. Mais oui, vous avez remarqué, je le fais trois fois à l'écoute pour voir si c'est pas différent. Les lions. Je vérifie. Alors, les lions, pour retrouver votre paix intérieure et votre calme, retirez-vous un peu ce soir. Les vierges. Choisissez un autre jour pour vos projets importants. Et les balances. Vous renforcez vos facultés de persuasion et vous travaillez de manière dynamique. Les scorpions. Prenez en compte les faiblesses des autres. Votre perfectionnisme est une qualité importante, mais il ne faut pas exagérer. Les sagittaires. Dépensez votre trop plein d'énergie au sport. Ça augmentera votre bien-être et surtout, ça va faire tomber les kilos superflus. Les capricornes. Les capricornes, continuez à suivre votre intuition. Les verseaux. On vous demande un service qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes professionnelles et vous faire connaître des nouvelles personnes. Et les poissons pour terminer. Votre partenaire se sent négligé. Alors faites quelques efforts, dis donc. Voilà. Bon, bah Doudou, on vous retrouve dans une heure. Ah bon? Oui, bah ce sera le dernier horoscope du jour et après vous serez en week-end. Ah oui, il faut attendre jusque là. Oui, bah il faut attendre une heure de plus. Prenez un petit café, tiens, c'est pour moi. Ah bah écoutez, c'est gentil. Bah voilà. 8h21 sur Fun Radio, je vous rappelle la petite question qui colle. Question qui colle, combien de temps a mis un Russe pour faire les 9000 km qui le séparaient de sa maison après s'être fait voler son argent et ses papiers? Pour info, il a fait ça à pied. Voilà. On demande le nombre de jours parce qu'il y en a qui en ont encore les kilomètres. Ah oui, non, 9000 km, mais en combien de jours? C'est ça la grande question. 63-22, si vous avez la bonne réponse, il y a bien sûr des cadeaux pour vous. Et avant de se faire la déclaration express du jour, c'est le son de Luna qu'on écoute. Vamos a la playa sur Fun Radio. Le son d'Oula sur Fun Radio, vamos a la playa, 8h24. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Vous passez une bonne matinée, d'ailleurs on est là jusqu'à 9h30 avec le scooter qu'on va faire gagner aussi tout à l'heure. Là, vous êtes nombreux à participer et quelques-uns à avoir la bonne réponse. On va faire un tirage au sort, après c'est pas nous qui décidons, je vous le dis direct. Mais la plaque c'est pas MLM en tout cas, on sait que c'est ça. On sait qu'on a 1, on sait qu'on a M, on sait qu'on a pas l'année du milieu, on sait qu'on a encore M, 2, 4, 2. Et là quelqu'un proposait MLM 222. Non, pas non. Ah non, c'est dommage, tu ne donnes pas de bonnes réponses alors qu'elles ont déjà été données. C'est quand même malheureux. C'est triste. Et la lettre du milieu, donc la lettre qui manque entre les deux M, c'est la seule et dernière. C'est au-delà de la 15e lettre et en dessous de la 20e lettre dans l'alphabet. Voilà. Vous repartirez peut-être donc avec le scooter Kinko Like 125 cm3 d'une valeur de près de 2000 euros. Avec 25 euros de carburant chez OctaPlus également. 63-22 en débutant votre message tout simplement par scooter avec la réponse et vos coordonnées complètes. Nous avons Younes qui est avec nous maintenant. Bonjour Younes. Bonjour Younes. Bah alors, Younes, où es-tu Younes? Il a disparu, il n'a pas attendu. Bon, c'est pas trop grave long hein. Pour lui. Bah oui, bah c'est pas grave, sinon on appelle directement sa copine. On va faire la déclaration express avec Sébastien Loeb là. Mm-hmm. Comment s'appelle sa copine? Alors,

budget 2012 et que la prévision de croissance du pays a été revue à la baisse pour l'année prochaine. Un homme et une femme ont été arrêtés après le meurtre d'une dame de 90 ans à Gerpine. La dame avait été ligotée, bâillonnée et battue à mort le 18 juillet dernier. Les deux suspects nient les faits reprochés. Il y a un mois déjà avait eu lieu une première arrestation, celle d'une femme soupçonnée d'avoir indiqué le coup à des complices sans y avoir personnellement pris part. Elle nie également les faits. On est probablement rentré dans l'ère du papy-boom. L'année 2010 pourrait bien avoir été celle du pic absolu en matière d'admission à la retraite. Avec 107 000 nouveaux pensionnés, il n'y a jamais eu autant de citoyens admis à la retraite que l'année dernière. Durant les années qui viennent, le nombre de retraités devrait rester stabilisé à un niveau élevé, et ce jusqu'en 2025. Les récoltes belges de céréales devraient diminuer de 10%, passant de 3 millions à 2,66 millions de tonnes. Avec une diminution de la superficie de 1,88%, les rendements en céréales sont nettement inférieurs à l'année dernière. Et ma page est partie. Voilà, les conditions de semences trop humides durant l'arrière-saison et la sécheresse du printemps sont les principaux coupables. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays, mais également chez nous et même jusqu'à Bruxelles ou Namur. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire royal de Belgique. Actualité à l'étranger, pluie diluvienne à New York. Le président Obama décrète l'état d'urgence. Les autorités américaines avaient annoncé plus tôt avoir ordonné l'évacuation de 100 000 personnes menacées par des inondations, tandis qu'au moins 5 personnes ont trouvé la mort en Virginie et en Pennsylvanie. Et puis enfin en sport, ce matin démarre la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Et ce sont justement les All Blacks qui ouvrent le bal et qui affronteront les Tonga. Très bien, 8h34 sur Fun Radio, on passe à la météo. Tu as trouvé le bruitage qu'il fallait, matinée maussade, mais éclaircies qui vont arriver cet après-midi sur le pays. Température jusqu'à 21 degrés. Demain, tenez-vous bien, il va faire beau. Mais déjà dans la soirée, les nuages seront de retour et dimanche, j'ose à peine le dire, pluvieux et venteux. Bah, il va faire... Ouais, ça marche plus, ma machine marche plus, voilà. Voilà, il va faire ça. En gros, ça va être ça. Concrètement, ça va être ça. Bon, dans un instant, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Bah c'est même maintenant 8h34. Alors c'est une première. En tout cas, nous on est les premiers à le faire. Ah. C'est que la valeur des ondes GSM devra être mise en évidence dans les magasins. Donc ça c'est nouveau, c'est une initiative des ministres de la protection des consommateurs. Bah en gros ça va être comme les voitures, c'est-à-dire que plus la lettre est basse, plus voilà. mieux c'est quoi. Mieux moins c'est. Ça pollue, moins c'est. Enfin mieux, exactement. C'est meilleur pour la tête. Donc ça devrait être affiché dans les magasins, mais aussi dans les campagnes publicitaires. Jusqu'ici c'était affiché souvent dans le manuel de l'appareil, tu vois, dans le manuel GSM, en lettres minuscules, tu vois, un peu comme ça dans un coin. Donc maintenant ça va devoir être affiché bien en évidence. La Belgique deviendra donc l'un des premiers pays européens à obliger cette publication. Quelle chance. Mais on est les premiers, c'est bien. Bah oui, mais c'est génial. On a une chance inouïe là-dedans. Oui. Ah oui, non, bah là, ça va changer le monde. Hein. Ça va changer le monde. Je te le confirme. La Belgique, on est numéro 1 sur tellement de choses en plus. Tout à fait. 8h35 sur Fun Radio dans un instant. La réponse à la question qui colle. Combien de temps a mis un Russe pour faire les 9000 km qui le séparaient de sa maison après s'être fait voler son argent et ses papiers? Il a fait ça à pied. Il a mis combien de jours, de centaines et centaines de jours? Est-ce qu'on peut dire que c'est plus que 300 et moins que 500? Oui, voilà, on peut le dire. De toute façon, en même temps, c'est dit. Hein. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, on aura la devinette qui colle dans un instant. On appellera pour les factures. On fera tomber le scooter également et on écoute les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas sur Fun Radio et Don't Stop the Party. Un message qui vient d'arriver au 30-44 qui voulait réagir à l'info de Julie, l'info en plus. Pour info, je travaille dans Shop pour Bellecom Proximus et on affiche déjà depuis un an les indices DAS pour les ondes GSM sur les étiquettes. Voilà. Eh bien, c'est bien. Eux, ils le font, mais tous les magasins ne le font pas. Maintenant, c'est obligatoire. Voilà, maintenant, c'est obligatoire. Tout le monde va devoir le faire. 8h39 et sur Fun Radio. Je te rappelle, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Oui, mais c'est ça. Ouais. Moi aussi. Mais pour moi, à mon avis, il pourra pas faire grand chose, à mon avis. Bon, oui, le mien aussi, d'ailleurs, je l'ai malheureusement fait tomber. Ah, bravo. Ah, ouais, bah non, c'est l'avant et l'arrière du téléphone qui est pété. Enfin bon, il marche encore. Apparemment, t'es un petit peu un champion du monde dans le. Mais d'habitude, j'ai aucun problème. J'ai ce téléphone, l'iPhone 4 depuis sa sortie. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et là, en deux mois, il tombe dans l'eau, il tombe derrière, il tombe devant. J'ai vraiment la poisse. Ah ouais. Pour l'instant. Mais bon, si je gagne à Win for Life, c'est pas grave. Ah bah oui. Bon, qui est avec nous pour la réponse? Ah, la réponse d'abord, tu veux? Ah oui, la réponse d'abord, ouais. Alors attention, on a la réponse. On fera le Mickaël réveille la Belgique après. C'est Catherine, 42 ans de Bruxelles. Salut Catherine de Bruxelles, comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Et tu as la réponse à la question qui colle. Combien de temps a mis un Russe pour faire les 9000 km qui le séparaient de sa maison après s'être fait voler son argent et ses papiers? 400 jours. Eh oui, 400 jours. Et en fait, il était dans la péninsule de Kamchatka. Enfin loin. Et il était venu passer des vacances à Moscou. Je sais pas, et donc, si vous vous rendez compte, c'est plus d'un an hein. C'est plus d'un an, ouais. Et donc tout allait bien jusqu'à ce que on lui vole son argent et ses papiers. Et comme il avait plus de quoi téléphoner pour qu'on vienne le chercher ou on le rapatrie, ou en tout cas pas les moyens, du coup il s'est dit ah je vais aller à pied hein. Et voilà, il a mis 400 jours. Et bravo à toi Catherine. Par contre l'info qui merci à vous. L'info qui est énorme, c'est qu'il est arrivé donc chez lui, il est allé au commissariat pour dire voilà j'ai été volé et tout, les mecs ils l'ont pris pour un ouf, mais ils ont quand même enregistré sa plainte. Et un mois après, le voleur a été arrêté. Ah bah quand même, donc ça va, les Russes ils sont taquets quand même. Bon c'est bien. On ne pas trop les embêter aussi. Non c'est vrai. Gros bisous Catherine. Oui merci, au revoir. A bientôt, ciao Catherine. Et puis reste au standard, on prend tes coordonnées bien évidemment. Alors, nous allons prendre maintenant nos deux champions du monde, notamment Sébastien Loeb hein, qui est en direct de je ne sais où pour faire un petit Mickaël réveille la Belgique avec le mégaphone. Et oui, Laurel et Hardy, ils sont là. Allô, allô. Sébastien Lobel. Oui, je suis à l'institut de son, là. Tu m'entends, Michel? Oui, je t'entends bien, ouais, c'est très bien. Donc l'institut de son, c'est pas loin. Caillou, en fait. Ouais, c'est pas loin de la radio. Il a pris le mégaphone et il veut réveiller tout le monde. Ah, ça marche bien, on l'entend, Docteur Caillou. Dans la librairie, il va un peu foutre le bordel, quoi. Dans la librairie, d'accord, ok, très bien. C'est parti. Allez, vas-y. Oui, mais enfin, s'il pouvait au moins crier ce qu'il faut. 19h30. C'est parce qu'il est pas réveillé avant, donc il se rend pas. La sirène. Oui, il fait la sirène lui-même. Il fait lui-même en fait. C'est énorme. Et voilà. Voilà, très bien, fais péter la sirène à coup comme ça. Les gens, ils n'en ont rien à foutre, ils nous ont regardé comme. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, le principal, c'est que le message soit passé. Ouais, bah écoute. Dis-lui de se calmer avec sa tête, il n'a pas aucune chance. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, voilà, bonne chose de faite. Si vous aussi, vous voulez faire pareil et réveiller la Belgique pour nous, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, 3044, débutez le message par réveil. Parce que Liège, c'est un peu loin pour le faire tous les matins. Voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'on aille un peu ailleurs qu'à Bruxelles, évidemment, ce sera avec grand plaisir. Voilà, 3044, débutez votre message par réveil. On saura bien sûr vous récompenser. Dans un instant sur Fun, Shana Paul. Avec Got to Love You sur Fun Radio, on ira faire un tour aussi du côté de l'infotrafic et le dernier passage de la ligne anti-relou. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Et on est de retour sur Fun Radio à 8h47. On fait un tour maintenant du côté du trafic avec notre amie Julie. Oui, exactement. Il y a un trou dans la chaussée sur la 112. C'est en... Alors, attends, parce qu'il va falloir le dire. Hein. Ah, c'est où? Anvers, en direction donc du tunnel Bolivar. Bon, voilà. Ça va, ça? Bah oui, ouais. C'est Simon Bolivar. C'est-à-dire que moi, je reçois directement les infos donc, de la police, sur le site de la police, et c'est pas super bien écrit. Hein. Elle est connectée avec la police, Julie. Ouais. Elle a le bras long. Attention à vous tous. Accident dans l'échangeur 420 Nivelles Charleroi avec le 42 Mons-Liège à hauteur de Timéon, c'est en direction de Liège. Attention, le passage est difficile. Plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident. Très bien. Bon, et puis faites attention, apparemment, on nous signale aussi un radar sur la E19 en direction de Bruxelles à Hall. Voilà. En tout cas, je sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, il était là, donc c'est trop tard. Pour ceux qui sont passés à 180, c'est perdu. Hein. Ah bah oui, là, c'est... Enfin, en même temps, à 8h30 à 180 sur l'autoroute, je pense que c'est compliqué, hein. Surtout à cet endroit-là. Ah oui, non, mais là oui, je rappelle bien sûr que tous les grands axes pour rejoindre la capitale sont bien blindés. Sûr bouchés. Voilà, bien sûr, sinon c'était bien entendu pas drôle. Bon, alors... C'est bon, je crois que c'est terminé au niveau de l'infotrafic. Allez, c'est parti. Sinon, j'en ai pour une heure. Hein, ouais, non, bah alors ça va aller. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Voilà, la ligne anti-relou, c'est également tous les matins à 7h-4, 8h-4 et 9h-4. Les meilleurs messages qui ont été laissés au 0473-86-0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou. Et oui, la ligne anti-relou, c'est un numéro qu'il faut absolument connaître par cœur. Julie le connaît par cœur d'ailleurs. 0473 86 0013. Et tout ça sans feuille. Elle n'a elle n'a pas de mémo, il faut le savoir. Et donc elle le donne, et comme toutes les autres filles d'ailleurs en général, le donne à tous les gens qui sont relous, à tous les relous de Belgique. C'est à ça qu'il sert, car du coup, vous gagnerez tout. C'est-à-dire que le relou va vous lâcher la grappe, puisqu'il va avoir votre numéro de téléphone, il sera persuadé que c'est le vôtre. Et puis nous, on va gagner également, parce que du coup, quand il va téléphoner, tout en croyant que c'est vous. Sauf que forcément c'est nous, mais ça il le sait pas. Et écoutez d'ailleurs le premier message d'un relou qui a laissé son message, regardez, il a un peu Gilles de la Tourette. Eh hey Sabrina, quoi, c'est une blague américaine ou quoi? T'es où putain? C'est quoi, c'est la fête du slip ici ou quoi? Ça fait 2h30 que je t'attends. Eh, hey, soit tu me donnes, tu fais quelque chose. Ok, donc le gars il pète un plomb. Le gars il a pété une durée. Il m'a l'air quand même assez psychopathe. Oui, il m'a l'air assez loin. C'est bien mieux que la jeune fille ait donné un autre numéro plutôt que le sien, parce que le gars il a l'air un peu fou quand même. Dis donc, t'es pas venu maintenant ou quoi? Hein, tu m'as fait à bouffer, espèce de colasse. Non, mais commence à s'énerver, t'imagines un peu. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Coucou Jasmina. Jasmina. Voilà, apparemment t'es pas disponible pour l'instant. J'ai attendu ton appel toute la journée. Oh, tu vas encore attendre longtemps. Je suis pas mis de téléphoner. Et voilà. Attends. Allez bisous, je te laisse. C'est le mec qui était content. Il était content déjà. Il y croit, il pense qu'elle va rappeler. Non mais déjà il se trompe dans le nom. Ouais. Donc forcément c'est un peu déjà compliqué. C'est mal. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc et après, en plus après t'as le copain qui arrive. Oh yo, t'as fini ou quoi? Ouais, j'arrive. Désolé. Et enfin une fille pour une fois qui nous a laissé un message sur la ligne anti-relou. Ça fait plaisir. Et ça arrive, ça fait plaisir. Disons qu'elle est, un peu trop, comment dire, elle s'exprime trop. Mais non, mais c'est pour ça, prévient un peu aussi les autres filles, tu vois, on fait de la prévention, parce que arrêtez, c'est vrai. Écoutez ce qu'elle va faire et ne faites pas ça. Écoutez et ne faites pas pareil. Salut, c'est moi. Voilà, c'est-à-dire que je pensais très fort à toi et j'espère qu'on se verra bientôt. Oh, mais oui. Moi, donc on n'appelle pas un mec bébé déjà tout court, mais encore moins quand on l'a vu qu'une fois, et surtout on lui dit pas qu'on l'aime à la fin. Voilà, c'est ça, parce que s'il a ce numéro, si tu as ce numéro anti-relou, c'est que tu n'as vu effectivement qu'une fois. Donc, méfiance. Arrêtez quand même, ça, les filles. Voilà, méfiance. Voilà, la ligne anti-relou qui reviendra bien évidemment lundi en pleine forme, je suppose, à partir de 6h. Le lundi, c'est toujours bien parce que c'est le retour du week-end, il y a du lourd, quoi. Ouais, c'est le retour de boîte, quoi. Il y a du lourd. C'est vrai. Bon, allez, encore un écran placé 9 qu'on va vous filer maintenant, ou alors un appareil photo numérique. Attention, petite devinette qui colle. Je suis une plante sur laquelle vous pouvez marcher sans m'écraser. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, 1 euro par message. Il y a donc, comme je le disais, un écran plat 16/9 à gagner, ou alors un appareil photo numérique. Je suis une plante sur laquelle vous pouvez marcher sans m'écraser. Et elle ne se fume pas. Oui, c'est vrai. Qui suis-je ou que suis-je? Eh oui, Julie a trouvé la réponse, elle est contente. Elle a tout cassé dans le studio, mais ça elle est contente. Y est, c'est génial. J'avais rien cassé. Voilà, 63,22 avec la bonne réponse. Et on s'écoute Sean Paul maintenant. Et Alexis Jordan, c'est Got to Love You sur Fun. Michael, à la radio. Hey, Michael, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael à la radio. Michael à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Le son de Sean Paul sur Fun Radio à l'instant, c'était Got to Love You à 8h55. Bon réveil tout le monde dans un instant. C'est l'info qui va arriver aussi avec Julie. Et puis ce tatouage, Tom, comment ça se passe alors Mais je comprends pas les tatoueurs là. Franchement, pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas que j'étale mon amour avec mon petit compagnon. Oui, peut-être que c'est un pigeon. C'est parce que c'est un pigeon, c'est ça, ouais. Et alors? L'amour, ça vient comme ça, ça ne se décide pas. Ouais, bon, en gros, tout ça parce que t'as vu une fille, enfin une vieille en l'occurrence, une vieille dame, qui s'est fait tatouer sur la poitrine, me réanimait pas. Et donc du coup, dans ton esprit un peu torturé, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est devenu « je vais aller me faire tatouer mon pigeon ». Oui, c'est grave. Ouais. Bon, enfin, je pense qu'il est temps que tu te poses des questions quand même. Hein. Bon, on va appeler où? On a appelé à Bruxelles, à Libramonde tout à l'heure aussi. Eh bien, nous allons appeler à Ostende, parce que je trouve qu'on ne va pas assez souvent chez les Flamands. Oui, mais je sais pas si tu le sais, mais ils ne parlent pas dans la même langue que nous. Hein. Justement, c'est pour ça. Les Flamands parlent beaucoup français. Hein. Oui, le Flamand parle beaucoup français, mais très mal. Le Flamand parle la langue du pognon. Et il a raison. Oui. Non, mais c'est vrai. Excuse-moi de te rappeler que qui a plus de pognon en Belgique, ce sont les Flamands. Non, bah oui, mais justement, c'est, mais parce c'est bien pour ça. C'est parce que s'il y a un francophone devant leur tête qui veut acheter un truc, ils vont parler français. C'est oui. pas grave, tant que ça paye. C'est pas grave. Il y a juste les extrémistes, hein, mais sinon mais en général. Un renseignement, on va juste les flamands sont très bien, c'est tout, voilà. Oui, oui, si tu veux, oui, c'est vrai. Ton mec est flamand ou quoi? Non, moi je suis à moitié flamande. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord, c'est de là que ça vient. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va, on appelle à Ostend pour tenter de enfin, tatoueur pour voir s'il veut bien tatouer un petit cœur pour Toff et pour son pigeon. Allez, c'est parti, on y va. Allô, Tato Barche. Oui, bonjour madame, je suis bien chez le tatoueur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aurais souhaité me faire tatouer avec mon animal de compagnie. Oui. Oui, voilà, parce qu'en fait, je vous explique, voilà, je suis très amoureux de mon pigeon et en fait, j'aurais souhaité qu'on fasse un demi-cœur chacun. Oui. Oui, c'est possible. En fait, je voudrais un demi-cœur avec sur mon demi-cœur, je voudrais qu'il y ait marqué Titi, hein, c'est le nom de mon pigeon. Et par contre, je voudrais que sur le cœur de mon pigeon, on écrive Robert. Non. C'est-à-dire non. Non. Mais vous venez de me dire oui. Oui. Oui, mais non. Peut-être. Mais prévenez avant pour parler avec Miranda. D'accord. Mais oui, mais j'ai pas tout compris avec Miranda. Mais alors c'est possible ou pas alors pour faire le Oui, mais monsieur Miranda, c'est un travail, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Et donc, mais donc il n'y a pas de problème si je viens avec mon pigeon, si on vient la main dans l'aile ou l'aile dans la main, vous bon, pourrez vous demain à peu près à 12h. Ah oui. D'accord. Après midi, hein. D'accord. Et je vois avec elle alors pour le tarif. Oui, c'est pour parler avec Miranda. D'accord. Ah. Très bien parce que c'est Miranda qui fait les pigeons. Oui. D'accord, très bien. Eh ben écoutez, parfait, parfait. Ben, je rappelle Miranda demain alors. Oui. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, bonne journée. Pour vous aussi. Merci. Oh, elle est gentille. Oui, elle est gentille. Je pense qu'elle n'a pas tout compris, mais elle est gentille. Ah mais c'est ce que j'avais dit, hein, les c'est vrai. C'est vrai. Elle n'a pas tout compris, mais elle est gentille. Bon, ben voilà, donc un échec total, personne n'a voulu le faire. Si, hein. Non, là, elle est d'accord. Je rappelle Miranda demain, elle va faire le pigeon, c'est elle qui fait les pigeons. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça. Dans un instant, t'as pas tout compris. Hein, ouais. Dans un instant, l'info sur Fun avec Julie. Et puis un petit message qui vient d'arriver aussi. Radar sur le 411 vers Bruxelles, un petit peu avant la sortie 11. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc levez le pied si vous êtes dans le quartier. Voilà. Et puis la petite question, la petite devinette qui colle également là. Je vous la rappelle pour gagner un écran plat 16-9 ou alors un appareil photo numérique. Je suis une plante sur laquelle vous pouvez marcher sans m'écraser. Qui suis-je? Eh oui, et où suis-je? Est-ce qu'on peut balancer des gros indices ou on entend bon, encore un indice, mais pas un gros non plus, n'abuse pas. Alors, chaussures. Oui, bon, enfin, c'est un gros indice quand même. Bah, quoi, ça va? Bon, 63-22 si vous avez la bonne réponse, c'est 1 euro par message, écran plat 16-9e à gagner ou appareil photo numérique. Je suis une plante sur laquelle vous pouvez marcher sans m'écraser. L'info top veut dire quelque chose. Tong n'est pas une bonne réponse. De quoi? Non, je dis tong n'est pas une bonne réponse. Bien entendu. L'info arrive dans 30 secondes, restez bien là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Restez là sur Fun Radio dans un instant, c'est Neyor avec Mombi Suavemente sur Fun. Mais l'info, elle arrive dans 10 secondes également. Et à 9h pile, il est l'heure maintenant de passer aux infos. Salut à tous, du côté des négociations politiques. Le formateur Elio Di Rupo cherche toujours des nouvelles pistes pour mettre tout le monde d'accord. Les négociateurs se sont quittés hier soir vers 22h. Ils se retrouvent aujourd'hui vers midi, toujours pour débattre du fameux dossier BHV. Les discussions sont qualifiées de difficiles, mais de créatives par le porte-parole du formateur. Et on apprend ce matin que la Belgique devra trouver près de 7 milliards pour le budget 2012 et que la prévision de croissance du pays a été revue à la baisse pour l'année prochaine. La terre a tremblé hier soir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été ressenti très largement dans les deux pays, mais également chez nous jusqu'à Brême-Bruxelles ou Namur. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire royal de Belgique. On est probablement rentré dans l'ère du papy-boom. L'année 2010 pourrait bien avoir été est celle du pic absolu en matière d'admission à la retraite avec 107 000 nouveaux pensionnés. Il n'y a jamais eu autant de citoyens admis à la retraite que l'année dernière. Durant les années qui viennent, le nombre de retraités devrait être stabilisé à un niveau élevé et ce jusqu'en 2025. Les récoltes belges de céréales devraient diminuer de 10%, passant de 3 millions à 2,6 millions de tonnes cette année. Avec une diminution de la superficie, les rendements en céréales sont nettement inférieurs à l'année dernière. Les conditions de semences trop humides durant l'arrière-saison et la sécheresse du printemps sont les principaux coupables. Actualité à l'étranger, pluie diluvienne à New York. Obama, le président américain, décrète l'état d'urgence. Les autorités américaines avaient annoncé plus tôt avoir ordonné l'évacuation de 100 000 personnes menacées par les inondations, tandis qu'au moins 5 personnes ont trouvé la mort en Virginie et en Pennsylvanie. Et puis en Libye, au moins 30 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 6 mois et 50 000 autres blessées. Il s'agit du premier bilan officiel depuis le soulèvement contre le colonel Muammar Kadhafi. Enfin en sport, ce matin démarre la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande et ce sont justement les All Blacks qui ouvrent le bal et qui affrontent les îles Tonga. 9h03 sur Fun Radio, la météo. Voilà, comme on peut déjà le remarquer si on lève un petit peu les yeux au ciel, temps maussade ce matin, mais cet après-midi, les éclaircies devront faire leur retour. Température jusqu'à 21 degrés. Demain, il va faire beau, profitez-en parce que déjà début de soirée, les nuages seront de retour et dimanche, pluvieux et venteux. Ben voilà, c'est génial. 9h03, dans un instant, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio, c'est maintenant l'heure de l'info en plus. Je voulais vous rappeler qu'on est le 9 septembre et donc laissez-les pendouiller. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé en mois d'août. Voilà, exactement. Mais elle pendouille. Qu'est-ce que c'est pas. Voilà, Tof a suivi le mouvement. Gaïa, donc, c'est l'association belge de défense du bien-être animal. Eh ben, elle encourage aujourd'hui tous les garçons à ne pas porter de slip ni de caleçon pour justement les laisser pendouiller. Et c'est pour lutter contre la castration des porcelets mâles qui sont donc chaque année 5 millions en Belgique sont castrés sans anesthésie, ce qui est absolument horrible pour ces pauvres petites bêtes. Oui. En fait, on les castre pour qu'ils sentent moins fort quand on les cuit. Ah, mais il y a aussi moyen de les castrer de façon beaucoup plus humaine. Donc, oui, c'est voilà. Ça, tu lui mets une petite piqûre et puis voilà. Voilà, enfin, anesthésiez-les. Voilà quoi. Pour castrer les cochons, la ligne anti-relou. Oui, non, c'est pas mal aussi ça. Donc voilà, laissez-les pendouiller aujourd'hui pour soutenir l'association Gaïa et les petits porcs qui, voilà, c'est inhumain ce qu'on leur fait. Voilà, tout à fait. Moi aussi j'ai une petite info en plus, je viens de tomber dessus, c'est exceptionnel quand même. Vas-y, balance. C'est deux pilotes qui sont dans un avion avec des passagers, donc un petit avion régional aux États-Unis. Ouais. Donc Continental Airlines, qui est quand même une grande compagnie américaine. Oui, c'est pas mal, c'est connu. Pas, ouais. Voilà, c'est pas un truc. Et en fait, ils sont trompés d'aéroport pour atterrir. C'est pas vrai. Oui, ils ont atterri à 15 km du vent et ils ont vu des lumières d'un autre aéroport. Se dit oh bah ça doit être là, Roger. Ouais, bon on va aller là. Ils ont atterri là et ils ont pas pu redécoller après parce que l'aéroport allait fermer justement. Donc du coup les passagers ont dû aller à l'autre aéroport, à l'aéroport final de destination finale, donc en car. Et donc les pilotes ont été suspendus en attendant de savoir si. J'allais dire, j'espère qu'ils vont être un petit peu suspendus quand même. Ouais, ils ont été suspendus justement en attendant de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont trompés, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc les mecs se sont trompés d'aéroport quoi. Non mais oui, peut-être. Mais c'est possible aussi, cela dit. Mais bon, il est 9h06 sur Fun Radio. Dans un instant, on va vous payer vos factures. Ça se passe au 63-22 en débutant votre message par facture. Et ensuite, vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans quelques instants également, nous offrirons, du moins j'espère, le scooter, le Kymco 125 cm3, le Like, avec 25 euros pour aller faire le plein chez Octaplus. Si vous avez la plaque d'immatriculation, c'est dingue parce que j'ai quasiment donné la réponse et vous êtes encore capable de donner la mauvaise. Donc la plaque c'est 1, M, et puis c'est entre la 15e et la 20e lettre de l'alphabet qui manque. Et puis de nouveau M, et puis 242. Il y a encore qui arrive à me dire MVM. C'est dingue quand même. Vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est grammatique. C'est dingue, c'est voilà. Dingue. Bon, la bonne réponse, c'est facile. Sachant que c'est pas Q aussi, hein, c'est un petit peu avant. Non, c'est un petit peu après, pardon. Ça se passe au 63-22 avec la bonne réponse débutée par Scooter et vos coordonnées complètes. On fera un tour du côté des bonnes réponses justement dans quelques instants. Puis au niveau de la musique, maintenant, on va se faire Neyer avec Mombi. Maintenant, Neyer, Mombi et Pitbull. Suavemente. Neyer à l'instant sur Fun Radio avec Mombi. C'était Suavemente. Il y a aussi Keduna, bien entendu. Et puis la réponse à la question aussi, enfin la question, la réponse par rapport au scooter pour arriver à enfin trouver cette plaque d'immatriculation, ce n'est pas la lettre P qu'il manque. Ah, ce n'est pas un O non plus. C'est dingue. Ouais. J'ai beau aider, vous n'entendez pas ce que je dis, ce n'est pas NMMM. MMM, c'est pas ça. C'est pas MSN non plus. C'est pas MPM, on l'a dit aussi. C'est pas MZM, puisque le Z n'étant pas, une lettre qui se trouve entre la 15e et la 20e lettre de l'alphabet, ça ne peut pas être Z. Ouais. Voilà. Donc c'est 1, M, et puis entre la 15e et la 20e lettre, voilà, une chance sur 5 donc. Et puis de nouveau M, et puis 2, et puis 4, et puis 2. C'est dingue quand même. Ah oui. Bon, la bonne réponse. Je veux qu'il tombe ce matin. On tire au sort, dans 10 minutes à peu près. Donc 63-22, débuté par Scooter avec la réponse. Donc quelle est la plaque d'immatriculation du scooter, le 125 cm3 Kimco Like. La bonne réponse au 63-22. 9h11, nous allons maintenant payer des factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Tous les matins et trois fois par matinée. Hein, pas comme ailleurs, par exemple, où on ne fait ça qu'une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, parce une fois que par nous, an. On est des dingues. Et surtout, jamais. C'est pas nous qui payons, c'est le boss. C'est pas. C'est pas mais justement, il vient d'appeler, il demande si on peut éviter de faire des grosses factures en ce moment. Oui, il y a le nouveau standard à payer. Oui, voilà. Je sais, c'est compliqué, mais bon, tant pis. On se fait plaisir, nous. Bon, allez, 63-22 aussi par SMS, c'est 1€ par message, hein, je vous le rappelle. Et on va sélectionner quelqu'un maintenant qui s'est inscrit au 63-22 avec le code facture. 111€ pour la mutuelle, oui quand même. 97€ pour Electrabel, c'est Elodie. 84,65€ pour TV, internet, téléphone. C'est cher. Quand est-ce que les opérateurs en Belgique vont descendre le prix comme en France, quoi? Merde. Ouais. Ceci est la messagerie vocale de. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Bonjour. Vous pouvez envoyer votre message soit immédiatement en raccrochant. Oui, on va envoyer un message directement en raccrochant. Non, pas en raccrochant, on est con. On va laisser un message maintenant, mais pas en raccrochant. Merci de votre. Allez, oui. De rien. Bonjour. Ouais, c'était le bruit qu'il y avait dans ta présentation de ton répondeur, donc je ne sais pas qui tu es, mais c'est pas très grave. Bon, bah écoute, tu t'étais inscrit pour rembourser combien, Tof? Pour rembourser 100 et quelques euros. Mais 100 et quelques, c'est 120 ou 190? Je sais plus, je suis sur la page des scooters, là, je peux pas tout faire. Oh là là, bon bref, c'était plus de 100€, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était, ouais, je crois que c'était 102 ou 103€. 102 ou 103, bon bah tant pis, je sais pas pourquoi c'était, mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre... On ne les remboursera pas. C'était l'opération du chat, voilà, c'est ça. Ah, c'était l'opération du chat. Oh l'opération non, c'est du chat. Mais il va crever le chat maintenant, c'est dommage. Mais non, parce que ça a déjà été payé. Le chat maintenant, il est vivant. Oui, c'est vrai. Ou alors, c'est peut-être mort aussi. Hein. Non, il est vivant. Il est très très justement. Heureux dans le monde des chats. Ouais. Bon, bah tant pis. Oui, c'est ça, dans son monde. Tout en haut là-bas. Non, bon, bah, en tout cas, c'est perdu. Dommage pour toi. Et puis, bah tu reviens quand tu veux. Je te fais des gros bisous. Voilà, à bientôt. Si c'est une fille, bien sûr. Sinon, une bonne poignée de main entre mecs. Hein. Non, c'est Sinon, voilà, 9h13. Bon, 9h13, est-ce qu'on refait une facture tout à l'heure avant 9h30 ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même un scooter qui va tomber. Appelle le boss. Mais il y a le scooter aussi. Non, mais lui va dire non, c'est pas la peine de l'appeler. Mais oui, allez, on va le faire encore une fois. On a eu combien de bons aujourd'hui? Un. On a fait une bonne facture à 100, un peu moins de 100€. Oui, c'est léger quand même. Hein. Bon, allez, encore une fois, 63-22, débuté par facture. Vous avez, ben, on prend que ceux qui sont inscrits maintenant entre 9h13 et 9h30. On a fait 90€. 90€, voilà, c'est ça. On appelle dans moins d'un quart d'heure, on rappelle, on refait exceptionnellement une facture supplémentaire. 63-22, débutez votre message par facture. Dans un instant, nous irons direction Doudou pour. Direction Doudou. Bah direction Doudou pour l'horoscope, comme ça il pourra prendre sa petite journée après, hein, son week-end. Et puis juste après, on aura aussi la chance de vous offrir le scooter, de répondre à la petite devinette qui colle et bien sûr de refaire une dernière fois les factures. On va écouter le son de Mika en attendant. C'est Mika maintenant avec Elle me dit sur Fun Radio. Bon réveil, bon week-end d'ailleurs, si vous êtes déjà en week-end, il est 9h14. Le son de Mika à l'instant sur Fun Radio, c'était Elle me dit, comme tous les matins, on est là avec vos messages qui arrivent en direct au 3044 par SMS, 9h17, et nous allons maintenant donner la réponse. On a la réponse à la devinette qui colle, Taf, ou pas encore? Bien sûr, nous avons Catherine. Ah, Catherine, salut 24 Catherine. 24 ans. Salut Catherine, 24 ans de où? Catherine? Allô, Kat? Catherine, c'est maintenant ou jamais. Catherine? Alors, oui, Catherine. Catherine? Bah là, elle est pas là. Hein, mais si, elle est là. Elle est là. Ah non, elle est pas là. Elle entend du bruit dans le fond. Si, elle, elle répond pas. Allô? Ah, voilà. Catherine, c'est à toi. Nous allô sommes là. Oui, allô, Catherine. Catherine, allô. Elle m'étouffe, moi. Oui, non, c'est pas Catherine, c'est Christelle. Ah, mais c'est, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'elle répond. Mais c'est parce que je trouve. Bravo Tof, Christelle. Ah oui, Catherine c'était avant, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc, oui, c'est ça. Donc, mais tu m'as pris au dépourvu aussi. C'est ça. Christelle, 24 ans, t'appelles d'où? Non, 40 ans, mais. Oh là là, mais Tof, sans déconner. C'est quoi, voilà, c'est Christelle, 40 ans de Liège, j'ai retrouvé ma fiche. Je m'appelle Christelle, j'habite le téléphone de près de Liège, j'ai la petite commune qui s'appelle Giprelle. Voilà, elle fait toute seule, c'est très bien, merci. Ouais, franchement, c'est mieux. Hein. On s'en sort mieux comme ça. 99 FM pour écouter Fun dans ta région. Alors. Christelle, tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Je vais la rappeler pour ceux qui débarquent. Je suis une plante sur laquelle vous pouvez marcher sans m'écraser. Qui suis-je? Bah, c'est le pied. Bah oui, la plante des pieds, évidemment. Mais oui, et bah bravo. Et bah pour bien démarrer le week-end, écran plat 16/9 pour toi ou appareil photo numérique, tu vas gérer ça avec Toff. Ok, merci beaucoup. Je te prie. Gros bisous, à bientôt. Ciao à toi, bye bye bye. Voilà, ça s'est plié comme ça, une bonne chose de faite.